Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Des gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie de l'épisode 14 de l'apéro original. Aujourd'hui à Castres, on se retrouve avec l'équipe des sociétaires habituels, à savoir Azertov. Coucou, c'est moi. Voilà, qui fait la réception et qui joue à domicile. Le petit Asto81. Il est plus petit. Hein. Oui, c'est surtout qu'il est plus grand que moi. Messire Gandalf 81. Messier Gandalf. Le tout nouveau sociétaire, j'ai nommé Péremptoire. Faire une sieste. D'accord, donc on va essayer de ne pas parler trop fort. Voilà. Et aujourd'hui, on a notre invité, Benjir 000. Ça va, bonsoir. Comment qu'il va le programme normal ? Ça va super bien. Ça commence à aller bien là en fait. Ça commence à aller bien. On va sortir la prune donc ça ira encore mieux. Ça va, il est bien. Voilà. Et moi-même, Tocheux, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour commencer ? On va faire un petit rappel sur la diffusion sur Pod Radio. Donc on est aux dernières nouvelles sur trois canaux, ouais. Tout au moins au mois de septembre, mais pour ceux qui écoutent ça en différé, on sera au mois de décembre, donc c'est susceptible d'avoir changé. Joyeux Noël. Mais on est au moins sur trois canaux, ouais. De mémoire, le samedi à 20h45, ouais, sur un, ça. Le mercredi 19h45, c'est ça, sur un autre, voilà. Et vous pouvez nous retrouver, ainsi que l'ami Benjir, dans la grille des programmes. Il suffit d'aller voir sur le site de la station pour avoir tout le défilé. Un petit mot sur l'échéance dans 4 mois maintenant, puisqu'on est au mois de décembre. Mais c'est vrai. Et voilà. 4 mois, réservez votre lundi de Pâques. Alors, c'est qui les invités ? On n'a rien de plus encore. Réservez votre lundi de Pâques, votre week-end de Pâques d'ailleurs, le 20-21 avril, puisque nous, on sera pour partie, voire peut-être en intégralité, à Pod Rennes. Si tu veux. Il y a toutes les informations sur le site. Vous avez toutes les informations sur le site de badgeek.fr. Podren.fr, pardon. L'entrée est gratuite. On vous demande quand même au préalable de vous inscrire. L'entrée est gratuite, sauf si vous faites de l'argent sur le podcast. Oui, voilà. Donc, ne serait-ce que pour avoir une jauge de la salle et qu'on puisse estimer au mieux tout ce qu'on a à faire. Je te coupe, mais salut Rivan. Ça y est, je suis plus fatigué. On a quand même attendu jusqu'à décembre pour qu'elle arrive. Elle a quand même 3 mois de retard, mais bon, c'est pas grave. Donc, Pod Rennes, 20-21 avril 2019. Venez rencontrer les podcasteurs, venez rencontrer d'autres poditeurs. Bref, venez échanger, venez découvrir, venez nous faire partager vos expériences. Et on passera tous un bon moment, tous ensemble. Nous, on vous attendra là-bas. Et enfin, si vous voulez vous essayer un tout petit peu à faire de la brasserie sur un produit tout à fait naturel et très sain qu'est la bière, si vous allez sur le site de Beemaker, B majuscule M-A-K-E-R, et en rentrant le code promo APERORIGINALE, APERORIGINALE, vous bénéficierez d'une remise de 15%. Il ne prépare jamais son jingle. Trop voilà. Pro quoi. Mais non, mais voilà. Trop pro quoi. Mais il te faut préparer un jingle. C'est la meilleure intro jusqu'à franchement, maintenant. Là, ça a été vite. Hein. Paf, meilleur quoi. Allez, le c'est trop. Fini, à la prochaine. Non, on va brasser de l'air, ça compte pas. Non. Sauf elle quand elle fait pfff, bœuf, mais voilà, c'est tout. Allez, hein, voilà. Maintenant qu'on a fait les préliminaires, on va s'attaquer aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on a au programme? Un bon ouais. Qu'est-ce qu'on a au programme? Du c'est bien ou blond. Déjà. Hein, déjà, pour c'est commencer, bien avec bien. Un joli tour de table et quelques bonnes bouteilles à déguster. On aura le dossier du truandeur professionnel Gandalf 81. Ah, mais c'est un vrai dossier. La partouze. Dont je vais vous laisser découvrir le sujet le moment venu. On a la fameuse partouze rubrique La question aux invités, que Péremptoire ne nous envie pas du tout. Pas trop, non. Voilà, dont il répond, à laquelle il répondra oui. Non. Ah. Il va nous faire une variante. Le grand Asto, du coup, je vais pas dire qu'il est petit, le grand Asto nous a préparé un quiz dont le thème sera le Blends Test. Et enfin, on se quittera avec une petite musique choisie par mes soins. Voilà. Mais messieurs, je vous propose de commencer par le petit tour de table avec nos petites bières. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. C'est pas moi qui l'ai eu. On va goûter. Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai soif ! Allez, non, vos filles, les gars. Et donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va solliciter celui qui joue à domicile. Et je passe le limonadier de la parole à messieurs Asto. La sagesse de la parole. Alors, vous savez, moi, dans la bière, il y a des brasseries comme ça qui reviennent... Corsen, donc. Ah, ça, c'est bon. Oh, non, on l'a dit, moi. Assez souvent. On a eu la synchro l'épisode précédent. Et là, bah, c'est... une des autres brasseries qui reviennent souvent, qui est La Débauche. La Débauche. Donc dans Goulême. Oh mince. Et là, donc, c'est une Wild Lab. Wild Lab. Oui, moi l'anglais. Ça, c'est un troisième épisode. Les informations. Il n'y a pas d'informations. Ah, c'est la Hoppy Sour du coup, c'est pas la Auditi. Ouais, non, c'est la Hoppy Sour celle-là. D'accord. Si, c'est interdit à Sigourney Weaver avec un verre à la main. Mais c'est raciste. Elle fait 4,5. Oh, donc ça va. Ça contient du gluten. Oh. Et l'étiquette est pas mal. Hein, je vous laisse regarder c'est un sympa. Peu. C'est une belle étiquette. Une partie supérieure et un petit bandeau en dessous. Là, c'est pas trop mal. Il n'y a pas une odeur de fumée. Ouais, donc je vais ouvrir et je vais. Quelqu'un ferme ma fenêtre pour pas que ça embaume, parce qu'ils ont dû lancer un barbecue chez les voisins. Ah, c'est pas impossible. Est-ce que tes voisins sont des nazis? Non, mais au mois de décembre, un barbecue, mais à casse, c'est trop beau quoi. Un couscous à Noël. C'est le rêve. C'est bon ça, un bon couscous à Noël. Donc les étiquettes White Dab, elles ont toutes cet aspect. Il y a la. Une qui est rouge, orange et rose. Elle est dans la porte. Je vous ai ramené du bacon. Il est à la pêche romarin. C'est la pêche romarin. Donc voilà, donc je l'ouvre et je vous dirai qu'elle est bonne par la suite. Elle est bonne. Allez, je l'ai déjà goûté. Et je donne, à Ben qui le décapsuleur va faire tout le tour de la table. Top, ça traverse. Merci. Top budget. La table. Ça a traversé la table et ça traîne à un autre. Et non, mais en fait, une fois n'est pas coutume. Allons-y. Une fois n'est pas coutume. Il disrupte l'apéro. Il y a une bière sans alcool à l'apéro original. C'est bien. C'est une Bavaria. Voilà, donc sans alcool. Où es-tu? Où es-tu? Bavaria. Donc en fait, elle convient aux femmes enceintes. Yo yo. Heureusement qu'il y avait le son. Elle convient aux conducteurs de voiture. On n'est pas obligé de la jeter dans une poubelle. On peut la jeter par terre. Et aux femmes enceintes. Est-ce que tu peux la jeter sur les CRS? Et du coup, comme il n'y a pas de place pour les logos d'interdiction, il y a deux petits logos. Il y en a un qui indique qu'on doit tourner trois fois la bouteille. Comme ça. Une fois, deux fois, trois fois. Et ensuite, on peut la verser dans un verre. Ah, bien. Sinon, tout le reste est marqué en allemand. Ah oui, et puis on connaît ton allemand légendaire. Aucune indication. Je pense que c'est pas de la bière en fait. Je sais pas du tout comment c'est fabriqué ces trucs là. Tout que chai ça. Moi ce qui m'étonne c'est surtout qu'elle est vraiment indiquée 0,00 quoi. Ouais. Mais si tu mets pas de levure, t'as pas de fermentation. Mais non, donc dans ce cas là t'as pas de boisson. C'est un soda qui ressemble à la bière en fait. C'est ça. Parce que c'est une infusion de houblon et de malt, c'est tout. Ouais, parce que t'as toujours les bières sans alcool, je crois qu'il y a un seuil qui doit être à 1,2 ou 1,3. Jusque-là, tu as le droit de dire que c'est sans. Ouais, c'est. Bon, alors sinon, à part ça, j'en ai une autre sur la table derrière, je l'ouvrirai peut-être tout à l'heure. Au cas où celle-là descendra trop vite. Ouais, on verra bien. Je vous dirai. Allez, à qui le tour? Bah, je te le passe. Lodaf. Merci. Donc, directement à gauche de Benji, on a Monsieur Gandalf. Toujours à gauche. Qu'est-ce que tu nous prépares? J'en avais parlé plusieurs fois dans ces épisodes. Je pense que je sais plus si mon ami Azartoff en avait pris déjà. Belle de Tréba. Oui. Il y en a déjà eu une. Il y en a déjà, fois, mais je crois que c'était le. Et comment en fait c'était une grande. Ah oui, c'était. Oui, la dernière session. L'Anastasia, c'était la. C'était une. Pas une blanche. Si, c'était une blanche, je crois. Comme ça, non, je sais plus ce que c'était. De garde aussi. Non, voilà. Bon, Belle de Tréba, c'est dans le Queen. Hein? C'est dans le Queen, on mange du pain. Donc en fait, c'est une bière voilà. Donc de très basse. Hein. La caricature de lui-même. Pas besoin de la faire. Tu es du Queen. Ping exponentiel. Mais tout ça va être ping. Au cube. C'est ça. Et donc voilà, j'en avais déjà bu ouais, quelques-unes. J'avais bu, je crois, ici, là, je crois la rousse peut-être, je sais plus. Oh, et j'en avais même ramené à l'époque chez. Quand on est allé chez Ben d'ailleurs. C'est là que je les avais découvertes d'ailleurs. Quand j'étais allé le vendredi même, j'étais allé en journée du personnel. Dans une petite ferme là, un petit peu caché dans un hameau, tu vois là-haut. Mmh. Et au bout du rabatel. Au bout du rabatel, il a ouvert le frigo et il y avait des belles de trébas. Ou de trébas, si tu veux dire. De trébas. Mais il n'est pas très bas, qui veut. Voilà, il n'est pas très bas, les fenêtres très bas, rien n'est bas. Il y en a, ils se sont pris des poutres, ils sont morts. Non, dans des films. C'était pas des poutres. C'était des linteaux. Des linteaux, messieurs. Parce qu'ils voulaient rentrer à cheval de l'intox. Et donc, en plus, ça vient de la route de Cadix, qui a des yeux de velours. De velours. Ouais, bien. Cette fois, je vous sors une bière de garde. Alors, elle rigole plus, là, parce que là, au dernier apéro, il y avait une bière vivante. Vous vous rappelez, j'avais sorti une bière de Noël au mois de juin. Mmh, très oui, méta. Exact. Très méta, qui était plutôt pas mal. C'était une bonne secours. Oui, c'était une bonne secours. La bonne secours, Noël. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une bonne idée. Et là, donc, c'est une Indian Pale Ale. Et donc, elle s'appelle Cavita. Voilà, c'est son petit nom. J'ai pas fait hindou ni endure première langue. Donc. Mm-hmm. Voilà. Et particularité de cette brasserie, toutes les bières font 5 degrés, je crois, sauf peut-être une, je crois, mais je suis pas sûr à 100%. Voilà. Et il y a quelques bières de garde comme ça, il y en a une, comme ça, donc là, il y a une Pelay. Il y a une brune, mm-hmm. Et celle qu'on avait bu la dernière fois, c'était une bière de garde aussi. Si ma mémoire est bonne. Et qu'on a vu, celle-là que j'avais achetée au. Albière, ouais. Festival de la bière d'Albi. Voilà, on fait un petit peu dans le cours. Donc cette fois, maintenant, c'est parti, on ferme la gueule. Et bien évidemment, le seul truc qu'on a à me dire, c'est que Sigourney Weaver. Bah ouais, quoi. C'est pas les couilles, quoi, frère. T'as pas le droit de boire. C'est ça. Si t'es enceinte, c'est pas bien, quoi. Moi, je suis enceinte. Ouais, donc je survivrai après, quoi. Donc là, maintenant, Monsieur Pépé, peut-être, comme ça, allez, on sera plus proche de la libération. Diagonale gauche, Pépé à ma droite, qui reçoit le limonadier. Alors, le limonadier de la sagesse. Alors moi, je termine ma thématique IPA avec une IPA Citra Galactique. Eh oui. À 6,5 degrés. Là, j'ai été constant toute cette session. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une bière avec des notes explosives de citron et de fruits tropicaux, dont l'amertume s'éteint sur une touche finale sèche. Certes, on va voir. Donc c'est la brasserie du Grand Paris qui fait ça, à Saint-Denis, 103 rue Charles Michel, 93-200. Et pas rue Henri Michel, mais la bière de Paris en fait. De Grand Paris, ouais, donc avec sûrement la sénoise, sûrement de l'eau de la Seine, on va voir. Voilà. Et autant ma dernière IPA, la dernière émission, m'avait un petit peu laissé tiède. J'avais pas trop apprécié, j'espère que celle-là va remonter le niveau. Qu'est-ce que c'est qu'une IPA? Pour rappel, c'était une amère. C'est India Pale Ale. C'est plus amertume, ouais. C'est plus amer. Et c'est souvent pas trop fort. Ça dépend en fait. T'as tu peux avoir des doubles IPA, le tu peux avoir du houblon en fait. C'est plus amer. D'accord. Normalement. Et juste pour rappel, celle dont tu parlais avant, c'était la Queen of Lamb. C'est ça. Kima, elle était pas mauvaise, mais elle était pas inoubliable. Oui, pas inoubliable non plus. Ouais, bien, il n'est pas top. Qui n'a pas eu le décapsuleur de la sagesse de la limonade? Allez, mon petit asto. Mon grand asto, pardon. Le décapsuleur de la vérité. Faut gérer les susceptibilités. Avec une petite bière d'une brasserie que je ne connaissais pas, que j'ai découvert hier au magasin. La brasserie Stuart. De Edinburgh. Edinburgh en Écosse. Donc j'ai pris la Radical Road, qui est une triple hopped pale ale. Une pale ale. À 6,4 avec est... un IBU de 50. Ah, est-ce que les pale ale, ça te refait le pale ale? Oui, 65. Ah, ça m'avait fait celle-là. On n'a pas entendu. Non, non, ouais. En plus, moi j'ai pas compris. Le seul qui a écouté, il a pas compris. On a pas fait attention. Mais que la pale ale, ça te refait le pale ale. Ah, le pale ale. Ah ouais. Ouais, le déposé. C'était, hein, voilà. Allez, pour finir tout ça, je vais vous présenter ce que moi j'ai choisi pour clôturer cette, cette session d'enregistrement. C'est une émission dont on a parlé normalement il y a déjà 3 mois, que Père Antoine avait proposé. Oui, au début, il y a maintenant 2 mois. C'est une bière. Est-ce que tu as eu le temps de la digérer? Pardon, excusez-moi. Au début, il y a 2 mois, c'était pas mauvais. Voilà, donc on parle de la Octopod Dogma. Moi, je l'aime bien. L'étiquette est vraiment magnifique. Ouais. Ah, c'est une étiquette qui pourrait plaire à Revan. Ouais, mais je l'ai déjà montré. D'accord, très bien. Elle aime bien. L'espèce de. Elle représente un méchant poulpe. Donc, une IPA qui titre à 6,5. Je sais pas si Pépé avait remarqué que c'était une bière serbe. Oui, non, j'avais pas vu. Tu l'avais pas soulevé, voilà. Non. C'est fabriqué par la brasserie Dogma bière serbe. À Belgrade. C'est eux qui font la bière albino aussi. C'est difficile à prononcer, bière serbe. Bon, voilà, donc. Bière serbe. Tout le monde va le faire, hein. Bière serbe. Tout le monde le fait. Allez. Bière serbe. Bière serbe. Bière serbe. Bière serbe. Donc une petite IPA toute simple, non filtrée, non pasteurisée. Voilà, voilà, je vais ouvrir ça, on va tous se servir un petit coup. On va tous fermer sa gueule on et va boire. Tous trinquer un bon coup, on va fermer nos grandes gueules et on va se taper une bonne gorgée de bibine. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Volontiers. Voilà. Alors, attends. Voilà la bouteille, hein, c'est bon, pas de chichi, hein. On est ouais, pas de chichi entre nous. C'est comme quand on mange un hamburger, c'est directement ouais, avec ouais, avec alors, j'ai pas souvenir que t'aies eu un faux col comme celui-là. Non, moi il était pire. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc voilà, j'espère qu'il lui reste plus qu'à une bonne sinon ça va. Sur un autre. Ah. Allez les gars, santé, mettez les pieds, ah, ça va les fêtes. Ah, qu'est-ce que je vous sers là trop fort. Merci pour cet apéro plein de clichés. Petit poulet, monsieur là-bas. J'ai pas fait grand elf. J'ai pas fait grand elf. Priorité, t'as pas ton allez voilà. Hein t'as pas ton et Revan, santé. Santé, ouais, santé à ceux qui sont sur le chat aussi. Ah bah les meilleurs. Ah bah tout de suite. Donc point Revan. Bon bah je vais prendre du clopipo moi. Voilà, très bien. Ça c'est des mots que j'aime entendre. Ah oui, c'est vrai. C'est pas le pinard officiel du podcast. On a déjà réglé ça en off. On va pas rétablir le truc. Picrate. Ouais mais. Et je vous propose de passer tout de suite à la suite. Un jaja quoi. Un bon un jaja. Petit jaja des vous ne me ferez pas sortir de cette émission. Un bon bœuf bourguignon là. Faites-en ce que vous voulez. Et je vous propose de continuer, de reprendre le cours normal de l'émission avec un bouquin qui tabasse quoi. Rap fleuri. Te laisse pas faire ton jeu. Non, mais moi je me laisse. Rap fleuri. Moi je les laisse parler, y'a pas de soucis. Je pense à ceux qui écoutent. Ça vient du moment, ça doit pas être simple. Avec le petit Gandalf qui va nous présenter. Son dossier. Allez. Oh, putain. Mais il est pas si petit. Bonne nuit. Une grosse bite. Debout les damnés de la terre. Debout les forçats de la fin. Oups, pardon, je me suis trompé de bouton. Je comprends pas. Le bon générique. Ça c'est mieux. Oui. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Alors, trou de balle ou pas trou de balle? Allez, la politique politique à Macron, mais elle est où? Putain, on aurait préféré que ce soit du trou de balle. C'est bien, vous allez voir. Non, c'est bien. On va juste se écharper la gueule, mais c'est pas grave. Allez, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors aujourd'hui, je vais vous faire un dossier que j'ai appelé, avec beaucoup d'amour et de courtoisie, une petite ruffinerie. Allez. Voilà, parce qu'il fallait le faire. Donc je vais vous parler de François Ruffin, parce qu'en fait, ça fait... ouais, quelques temps, bon, certains le savent ici, j'étais allé voir le discours de Mélenchon. Oui, j'étais un peu de gauche. J'étais allé voir le discours de Mélenchon à Toulouse. Bon, c'était plus par. Bah non, bah finis ta phrase, c'est pas plus par. C'est bon, curiosité, militantisme. Bon, plus curiosité, voilà. Voilà. C'est plus, c'est... Va au bout des choses. C'était ça, c'est un petit peu plus mon bord politique qu'autre chose, mais bon, voilà, pas plus qu'autre chose. Pas mais... plus que le beurre. Pas plus que le beurre, voilà. Le bord politique. Ah, oui. Le bord, pardon, le beurre, j'ai compris. Moi. Et donc, je me suis. Par un petit peu, par ricochet, j'ai découvert. Alors, j'avais déjà eu au boulot, parce que moi, à l'époque, j'ai travaillé pour la. FDSEA, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est quoi? C'est la fédération. C'est la fédération départementale. C'est la fédération départementale, c'est du syndicalisme agricole. Quoi. Oui. Et on va dire que sur le Tarn, on a été à une époque un peu gâté parce qu'on avait eu un certain petit projet qui s'appelait le barrage de Sivens. Voilà. Oui. Ouais. Et on va dire qu'il y a des gens qui sont un petit peu morts, surtout un. Un mec qui est vraiment complètement mort. Voilà. Et un jour, on a reçu un magazine qui s'appelait Fakir. Donc pour rigoler, c'est un mec qui me l'a envoyé pour rigoler parce qu'il y en avait un aussi qui nous appelait tout le temps et dès que ça raccrochait, ça re-rappelait et ça nous mettait l'international. C'était... Moi ça me faisait rire. Ah, tu veux que je la remette, c'est ça? Si tu veux, comme tu veux, je sais pas. Et de toute façon, j'ai pas les écouteurs, donc je m'en rabatte. Et bon, moi ça me faisait un petit peu rigoler. Bon, ouais. Voilà. Mais au fur et à mesure, j'ai découvert la personnalité de François Ruffin qui est on va dire vraiment cette fois qui, politiquement parlant, quand même sort un petit peu des sentiers battus. Voilà. On développera après, mais vas-y, voilà, continue le personnage. Voilà, donc François Ruffin est né le 18 octobre 1975 à Calais. C'est un journaliste, essayiste, réalisateur et homme politique français. Il est plus jeune que moi. Il est fondateur et rédacteur en chef du journal Fakir, que je vous ferai sous le feuilleté, il y en aura derrière. Il écrit aussi dans Le Monde Diplomatique et pour l'association de critique des médias Acrimed. Je pense que ça, c'est pas mal certain. En tant que reporter, il participe pendant 7 ans à l'émission Là-bas, CGFI, voilà, diffusée sur France Inter. Il apparaît comme l'une des figures de proue du mouvement Nuit Debout en 2016 et reçoit le César du meilleur film documentaire en 2017 pour son premier film, merci, Patron. Qui était l'imposé, le vrai, oui. Vrai fou imposé de cet épisode. Le petit prérequis qui aurait fait du bien juste pour aider à cerner la présentation. C'est ça, ouais. Donc il est élu député dans la première circonscription de la Somme. Donc c'est quand tu fais plus et des plus. De Mathilde. Voilà. La Somme, c'est dans le nord-est de Paris. Oui, c'est, non. C'est ce qu'il appelle. Ah oui, non, ouais. Ça dépend jusqu'où tu vas en Somme. Ouais, et donc. La Somme, c'est le nord et ça balaye un tout petit peu l'est et l'est. D'accord. D'accord. Et c'est ce qu'il appelle, et il était sous la bannière Picardie Debout. Ouais. Et avec le soutien de la France Insoumise, du Parti Communiste Français. Parce que le Parti Communiste Congolais, autant te dire que. On va pas trop comprendre ce qu'il vous dit ici, mais bon. Ouais. Europe, écologie, les Verts et Ensemble. Il siège à l'Assemblée nationale dans le groupe de la France Insoumise parce que il vaut mieux, malheureusement, vu le truc de parlementaire, comment ça se passe, il vaut mieux être en groupe pour avoir un peu plus de poids. Ouais. C'est tout simplement ça. Après, est-ce que c'est un vrai insoumis ou pas, on en parlera après. Bois un coup. Vas-y. Ouais. Je bois un coup et on continue. Prends ta respiration, bois un coup, tu vas voir, ça va bien moi, se passer. Je vais prendre une petite. Donc, la microphone, là, je vous ai fait. Il y a une petite biographie de François Ruffin. Donc je vais vous illustrer quelques-uns de ses travaux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors qu'est-ce que j'ai de bon pour vous? Alors j'ai les bouquins déjà. Alors j'en ai un qui s'appelle, alors peut-être c'est pas le plus connu, mais il est quand même bien connu, c'est François Ruffin, leur grande de trouille. Journal intime de mes pulsions protectionnistes. D'accord, aux éditions Babel. Aux éditions Babel, voilà. Très très bon livre d'ailleurs. Disons en passant. Enfin, assez, après j'ai lu. Bon, il est plus court, il est un peu moins marquant. Bon, c'était plus pour le tester parce que le principe était assez sympa. Donc c'est Paix intérieure et Paix sociale. C'est avec François Ruffin et avec Monseigneur Olivier Leborgne. C'est le. Comment il s'appelle C'est un évêque. C'est l'évêque de d'Amiens. Mm-hmm. C'est ça. C'est l'évêque du diocèse d'Amiens, même, d'Orléans. C'est ça. Bon, je vous lirai le truc ici après. Et un que je dois lire et que je n'ai pas encore lu, qui est assez plus édifiant, mais moi je pense qu'il sera un peu moins marquant pour moi, c'est Les Petits Soldats du Journalisme. Ouais. En fait, il se penche sur les. Comment dire que dans les rédactions, un petit peu, tout le monde est un petit peu. Je vais dire. Pour que les gens comprennent. Je vais dire. Non, aux je. Oui, voilà, c'est ça. Je vais même dire encore un peu mieux, réforme de la SNCF par exemple, pour citer un sujet qui a été quand même un petit peu pris dans un seul biais. Mais tu peux développer ta phrase En fait, aux ordres de la SNCF, là je comprends pas où tu veux en venir. Bah qu'en fait tu écoutais les experts, tout le monde était pour cette réforme quasiment. D'accord, oui. Voilà, c'était que tout le monde était vraiment. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est ça. Ok, d'accord. Et après, donc voilà, donc on a le magazine... Lidl. Ah non, ça c'est la pub. Le magazine de la santé. Donc non, Fakir. Leclerc. Donc Fakir, par exemple, je vais vous lire les unes que j'ai. Par exemple, j'ai Thomas en France-Afrique, les aventures d'un Tintin de gauche, du Tchad à la France-Afrique. Non, Centrafrique, pardon. Des prisons au palais présidentiel. Je vois de quoi il parle. Idéalisme à l'épreuve de la brousse. Et il parle de qui C'est date de quand celui-là, il date de quand Hein c'est qui ce Thomas Ah ça, je vous laisse le feuilleter après. C'est d'accord. Picsou Magazine, ouais. Mais le dossier qui est quand même assez marquant dans ce journal, c'est pas forcément celui-là, c'est le dossier qu'ils avaient fait sur Lidl. Anatomie d'un crime managérial, qui est vraiment, lui, vraiment plutôt édifiant. Et après, on avait le tout dernier, sortir de la Macronie. Connaissez-vous un petit peu, on dirait un peu François de Rugy qui lâche le cul à Emmanuel Macron. C'est très bizarre ça, c'était un petit peu... Donc sortir de la macronarchie avec une petite citation à côté. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve ses délimites. C'est Montesquieu. Donc je vous laisse feuilleter ces petits magazines, peut-être à la rigueur. Voilà. Déjà, pour faire un avis sur le ton. Alors le ton est quand même assez... Donc ça, faut juste dire que Fakir, lui, il est rédacteur en chef. Il est rédacteur en chef. C'est son journal, quoi. C'est son journal. Voilà. Il a lancé en 80... Alors je vais vous dire les chiffres. Pour Fakir, je crois que ça a été lancé en 96 ou 98, je crois. C'est pas... Fakir est un journal indépendant et alternatif, engagé de gauche, principalement insoumis. Bon, ça c'était Wikipédia qui le disait. Il est créé en 1999 à Amiens, en Picardie, selon deux formules. Les deux formules consacrées présentes au début de chacun de ces numéros. Le journal se présente comme n'étant lié à aucun parti politique, aucun syndicat, aucune institution, et comme largement rédigé, illustré et géré par des bénévoles. Il connaît une diffusion nationale depuis le 26 avril 2009. Très bien. Donc ce François Ruffin, c'est quoi son combat? C'est quoi sa petite marotte à ce monsieur? Oh, les idées vraiment à gauche, hein. Sa petite marotte. Sa petite marotte. Pour ceux qui s'en rappellent, on l'a beaucoup vu à l'époque de l'élection présidentielle. C'était pour le combat, c'était pour la délocalisation de Wimpool. C'est ça, à Amiens, tout simplement. Et voilà, c'est là qu'on l'a vu un petit peu s'écharper avec l'ami Emmanuel Macron qui était venu un petit peu chercher quelques voix parce que de toute façon Marine Le Pen était passée avant, je suis dit bon quand même. Hein. C'était parce que c'était entre les deux tours d'ailleurs. C'est ça. Là où tous les médias. Hein. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'image officielle, c'était que des images Facebook, de live et tout. C'est ça. C'était assez. Non, voilà, assez c'était. Oui, voilà. Bon, bah faut bien, hein, de toute façon, le cirque politique est comme il dit. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je l'ai. Après, on l'a connu aussi un petit peu plus avec le film, hein, merci patron, je pense que certains l'ont vu autour de la table. Alors moi je l'ai vu. J'ai pas vu. On a tous fait notre travail. Très bien, c'est très bien. Il y en a même qui l'ont vu ensemble, mais pas dans la même pièce. Ouais. Oh. C'était sympa. C'était marrant. Ouais. À part les 20 premières minutes où c'est un petit peu larmoyant, mais après, il y a un moment, on a bien réglé. Moi, sur les 20 premières minutes, je suis un peu partagé, c'est que c'est... C'est larmoyant. Moi, je dirais pas que c'est larmoyant. Je dirais que c'est gênant d'afficher la tristesse de ces gens-là. Mais c'est un mal nécessaire pour qu'on comprenne le reste du film. Mais ce qu'il y a, c'est la manière dont il a introduit les 20 premières minutes. Je savais vraiment pas si c'était du lard ou du cochon, s'il était sérieux ou pas. Il y a un moment où j'arrivais pas à comprendre l'angle dans lequel. Ouais, il y a vraiment un moment où c'était. Passer sur le thème de l'ironie, mais si tu veux, l'ironie, il faut qu'elle soit bien jouée. Ouais. Et tu sens qu'il n'est pas acteur. Mais c'est tout à son honneur d'essayer de faire quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, l'ironie, elle est. Mais je t'avoue que pendant les 20 premières minutes, j'ai eu un battement et je me suis dit, dans quoi je m'embarque. Il manque peut-être d'un. Voilà. Dans les 20 premières minutes, enfin à la 20e minute, enfin dans le, je crois c'est 25 au moment où j'ai arrêté, où t'as la grosse annonce. Juste avant le troisième acte. C'est ça, t'as la famille qui dit. À Noël, on a mangé hibiscus. Ouais, on a mangé hibiscus. Des fois, on mange pas. Et là, tu fais. Ouais, cette famille Clure, hein, la fameuse. Ouais, c'est vrai que bah, tu rentres là-dedans, tu te prends une salle de choc et tu fais. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Et y je pense que c'est voulu parce qu'au début, tu sais, il est un peu. Tu sais, il joue un peu ce faux troll, tu vois, un peu comme feraient certains journalistes, tu vois. Et c'est justement dans cette performance-là que moi j'ai eu du mal à absorber le truc. Là où ça a été flagrant pour moi, c'est à la Samaritaine. En plus, je suis désolé de le dire pour ces gens-là, mais regardez le documentaire, regardez les anciens délégués syndicaux de la Samaritaine. On frise même le cliché, honnêtement. Ouais. C'est peut-être blessant, ça va peut-être paraître méchant, mais ces gens-là ont un physique quand même relativement ingrat pour certains. C'est que les pauvres. Hein. Et quand tu vois la manière dont c'est mis en scène, très sincèrement, moi là, j'étais vraiment mal à l'aise. Ne serait-ce que pour ces gens-là. C'est vrai que quand il poursuit la déléguée syndicale CGT, justement, où à un moment il dit: mais est-ce que c'est votre ami Bernard Arnault? Elle fait non, et puis tu vois qu'il commence à partir, et lui, il provoque un peu la réaction. Il fait un regard caméra, et puis il continue justement pour essayer. C'est dans ce moment-là, tu sais pas où va le documentaire. Ouais, et juste après, t'as la présentation de la famille Clure, et là, tu dis ah, ouais, c'est chaud. Et après, justement, tout part sur. Sur l'action qui va être menée sur cette famille-là, et c'est là en fait que commence vraiment le propos du documentaire pour moi. Non, mais je pense que c'est voulu, après c'est peut-être pas hyper bien rythmé, mais tu sens qu'il y a vraiment une cassure, tu sais, au début, tu sens que ça part un peu sur le. Tu sais, ouais, on va dénoncer, mais en fait, il veut. Tu sais qu'au début, le temps, c'est un peu on va dénoncer rigolo, tu vois. C'est genre, ouais. Et ben voilà, il y a vraiment un litige entre ce qu'on te présente, ce que tu es en droit d'attendre, enfin, ce que tu es en droit d'attendre d'après ce que tu en as compris des pitchs ou quoi que ce soit, et de ce que tu vois réellement. C'est vraiment très compliqué. Bah, les 20 premières minutes, c'est pas ce qui fait le sel du reportage. Non, complètement. C'est les tactiques, les manœuvres derrière, les ruses qui sont mises en place. À la limite, ils auraient été plus factuels et moins dans la mise en scène. Je pense que ça aurait encore plus servi le documentaire. Le propos. Je donne un oeil au chat. Ouais. J'ai pas le chat, mais je vais me brancher dessus. Parce qu'il y a. David qui dit physique ingrat, quand même, tocheux. C'est un préjugé. C'est un préjugé parce que l'équipe des chiens avec la même gueule, et c'était ni des pauvres ni des syndicalistes. Oui, mais là je donne mon avis. Moi, pour moi, ils ont un physique ingrat alors. Donc je vais rectifier en disant que ça c'est mon avis. Ouais. Voilà. Et si ça passe pour un préjugé, admettons. Je veux bien en discuter, c'est pas un problème. J'ai peut-être mal choisi ma formule. Non, mais... voilà. Ouais. On va dire malheureusement. J'ai été maladroit dans ma formulation. C'est pas les plus aidés par la vie, on va dire. Dire que déjà. Bah après, c'est le seul moment où ça m'a un petit coup paraissant dans le film, c'est un peu... Mais je repense à un moment, ça m'a moins marqué, mais le moment où ils disent « Ouais, on a plus de sous, on va peut-être vendre la maison et tout. » Ou ils disent « Bah ouais, parce qu'il y a 3 ans, le fils a eu un accident et on n'a pas les moyens de payer parce que l'assurance nous demande 15 000 ou 20 000, 25 000, je sais plus. » Ouais, il y avait 25 000 à la base et je crois qu'après, c'est monté à 35 000 avec les intérêts, quelque chose comme ça. Ouais, 33 000 et des 22 000. Ouais, peut-être, oui. Ouais. Ouais, ils se demandent 32 000, je crois, et puis ils auront dit à 35 000, je crois. Mmh. Parce que, comme ils disaient, mais si vous demandez 32 000, vous aurez moins. Ah oui, c'est vrai. Un truc comme ça, ils disent. Bah, c'est vrai que ça lance une. C'est vrai que c'est pas l'habitude, tu vois, dans ce genre de documentaire. C'est toujours un peu pareil, tu vois, on aime bien parler. Je dis pas que c'est mal, hein. On parle de Lampedusa, de. Oui. Tu sais, des gens qui viennent de loin et eux aussi, ils souffrent. Hein. Les mecs ils viennent pas ici par plaisir, hein. Voilà. Bien sûr. Et c'est vrai que de voir quelque chose de très. C'est des territoires. On en parle. On en parle plus que ça, quoi. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup d'écho, surtout pareil, particulièrement dans le Tarn, où l'industrie, ça fait plus longtemps. C'est un peu le nord du sud ici. Ouais, c'est ça, ouais, on va dire que l'industrie. Il y avait des mines, il y avait des entreprises qui ont fermé, il y a des villes entières qui sont abandonnées. On va dire que c'est plus ancien qu'à Amiens, tout ça, etc. Mais voilà, il y a une sacrée déflagration aussi ici, quoi. Il y a eu pas mal, par exemple, la grouiller, le cuir, Amazamé, la tisserie. Vite, quoi. C'est ça. Mais ils ont tout fermé. Et pour être allé, pareil, en Bourgogne, tout ça, etc., que tu visites les usines et que, on a muré aussi. Tu fais, te dis combien ça a jeté de gens sur le carreau, parce que bon, c'est un peu ça le problème derrière, parce qu'au bout on met des briques devant les usines. Mais bon, c'est faut imaginer derrière. tous ces gens qu'on a jetés sur le carreau, etc. Et en fait, le film part de tout ça. Après, il prend moins l'angle... il va beaucoup moins loin que les livres. Les livres vont quand même beaucoup plus loin. Il faut condenser un peu, je pense. Oui, voilà. Il faut aérer le propos. Là où c'est plutôt bien monté, je pense, c'est quand on écoute rétrospectivement les paroles de... C'est Bernard Arnault, c'est ça? Oui, Bernard Arnault. Si je ne me trompe pas. Les paroles de Bernard Arnault, enregistrées, tout est factuel. Là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'avec le retour d'expérience, tu as les faits qui sont avérés, qui sont filmés, qui sont retracés, et tu as les actes derrière qui où il y a une totale dissonance où on te dit c'est bien fait, l'usine, je vais la garder, et 10 ans après, tu arrives et c'est là où tu commences avec la déléguée syndicale. Oui. Il n'y a plus rien, enfin, voilà. il y a trois murs. Quoi. Quand il va au magasin, et c'est fait où ça? Ah, mais ça s'est fait en France, monsieur, c'est du français ça. Oui, puis quand il va, c'est pas l'AG, mais aux portes ouvertes, ouais, c'est fait sous traité là-bas, dans les autres pays. Là-bas, très loin. Typiquement, on est chez Kenzo. Oui, je crois, où le gars il dit bah, là aujourd'hui c'est fait en Roumanie, mais on est en train de préparer le départ en Grèce. L'excuse typique c'est parce qu'en Grèce il y a du chômage, vous comprenez, on va aller lutter contre le chômage en Grèce. C'est ça, et on va payer moins cher parce qu'ils ont besoin de thunes. Oui. Ça, c'est le reportage envoyé spécial. Cette partie-là. Ouais. Oui, c'est sûrement une reprise. Oui. Avec toujours cette connaissance, bien évidemment, ça rejoint un peu le livre qu'il a fait sur les pulsions en protectionnisme. J'ai noté plusieurs phrases. C'est qu'en fait, il y a aussi une espèce de condescendance, en fait, tu vois. Mais moi, j'y participe aussi beaucoup. On rigole avec AliExpress, tu sais, mais j'y participe un peu. On se dit, ah, quand même, tu vois, c'est un peu pour se dédouaner. Et oui, c'est moins cher, mais on va quand même leur donner de l'argent. On va quand même les faire travailler, quand même. Tu vois, c'est un peu l'homme blanc. Bon, là, c'est la Grèce, donc un petit peu... C'est pour moi basané, les mecs. Mais c'est un peu l'homme blanc qui va coloniser. On dit, oui, mais quand même, les Chinois, c'est bien de leur donner du travail. Tu vois, quand même, on essaie un petit peu de se dédouaner. Toi, on se donne quand même une espèce de bonne conscience qui est des fois voulue, pas voulue. Ça dépend après toujours de ce que les gens voient derrière. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine condescendance se disant non, mais quand même, on va leur donner du travail. Et tu crois que les mecs, ils veulent faire des choix toute la journée. Je suis en train de remonter le chat tout à l'heure parce que je suis revenu sur la réponse du préjugé. Et je suis en train de relire ce pourquoi il m'a interpellé en parlant de que j'y allais un peu fort sur les préjugés avec les déchiens. Je pondérerais quand même le truc, c'est que les déchiens, c'est du maquillage, c'est de la mise en scène, c'est de la caricature. Mais je renie pas mes propos en ayant dit qu'ils ont un physique ingrat et que ça c'est un jugement personnel et que c'est peut-être basé sur un préjugé. C'est vrai que les pauvres, il y en a qui me détestent. C'est juste ça. Et là, sur le chat, David il dit ce qui est beau dans ce doc, c'est de voir que les gros, entre guillemets, qui sont déjà de belles raclures, veulent bien filer 3 sous pour un silence. C'est encore plus condescendant pour les pauvres, entre guillemets, dont ils se fichent bien, le loup pour l'homme. Ouais, c'est vrai que le mec, qu'on avait eu ça, c'est le mec qui disait, non mais surtout, vous dites ça à personne et tout. Depuis le début, on n'a pas expliqué vraiment comment était construit. Oui, c'est vrai. Les 20 premières minutes, on met le cadre et tout le reste, il reste une heure de documentaire. Et on met en place, enfin, François Ruffin met en place une sorte de petite combine pour piéger. On voit pas que les mecs vont de leur maison. Voilà. Pour que les mecs déjà ne perdent. Donc, je pense que c'est 35 000 euros à Bernard Arnault en échange d'un silence, de leur silence, entre guillemets. Donc bien sûr, c'est une combine avec des. Parce qu'il profite en fait du fait que Bernard Arnault avait lancé aussi sa. À l'époque, et il ça avait... permet de voir. Qui voulait être citoyen belge. Ouais. Et qui avait fait une polémique. Pour payer moins d'impôts, alors que sa fortune était déjà estimée à plusieurs milliards d'euros. Et qu'elle n'a fait que, malheureusement, cette année, elle a augmenté de 45%. Et le fait d'avoir des caméras cachées... Et il est maintenant 4e homme le plus riche du monde. Ouais, déjà. Ouais. Ça permet de faire des petites combines où t'as l'homme de main, l'homme de main, entre guillemets, qui vient... Le responsable de la sécurité. Voilà, bon, ça, en gros, c'est un homme de main. C'est ça, attention, le responsable de la sécurité de chez Bernard Arnault, vous avez dû le noter, c'est quand même l'ancien directeur du cabinet DRG sous Sarkozy. C'est ça. C'est l'affaire des fadettes et tout le bordel. Quand vous remettez tout dans le truc, ils veulent nous faire croire que les mecs, c'est des lapins de 6 mois. Ouais. Ils veulent qu'on leur file notre confiance. Quand tu vois ça, parce que là, tout est filmé. Le gars, il dit, en rigolant, ce gros con, en plus, il te dit, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Vous piégez pas, là. Non, parce que Fakir... mais la preuve que les mecs sont quand même affairés sur les réseaux et que parce que le coup du RG, là, qui te sort Fakir, alors que Fakir, à l'époque, il n'y en a peut-être pas la moitié, mais les 3/4 en France qui savent que ça existe. Et lui, bizarrement, il sait que ça existe. Mais c'est vraiment nous prendre pour des cons. Ah non, il était connu là-haut, Fakiriz avait, il avait fait pas mal de Tituroli, il avait fait pas mal de trucs pour comment ça s'appelle, pour les il avait soutenu les Goudirs. Oui, c'est pour ça, parce qu'au moment de, du documentaire, il a déjà un passif de dans la lutte, donc du coup ils savent que potentiellement avec lui ça proche peut... de la CGT, proche des syndicats sud qui sont pas forcément les plus fins en plus sud. Donc voilà, ça par contre c'est, tu vois, c'est un vrai préjugé. Sud, c'est pas des fins, ça se saurait. Voilà. Et ouais, c'est vrai que le documentaire là-dessus, bon, on va après se dire qu'il est toujours un peu partisan. Faut pas oublier, après, c'est orienté, on est bien sûr. Évidemment. Mais bon, après, voilà. Mais moi, j'ai trouvé assez, voilà, plutôt, ouais, plutôt, plutôt good. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu te dis, mais c'est un peu what the fuck leur truc. Ouais. Le truc qui monte, c'est un peu. T'as l'impression que c'est Ocean Eleven, mais dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est surtout le twist final. Enfin, oui, on va pas révéler le twist de final, mais qui est quand même assez savoureux. Bah, c'est-à-dire que. Ce qu'on peut dévoiler quand même, peut-être, et là, tu me coupes si tu sens que ça va dériver, c'est que. Ils signent un accord de confidentialité, ils signent un accord de non-divulgation des conditions. Et pourtant, toi, au bout d'un moment, je l'ai fait. J'ai mis sur pause et j'ai fait. Il reste trois quarts d'heure, deux quarts de film. Il reste trois quarts d'heure. Je suis en train de regarder un truc où c'est vu, c'est mis au vu et au su de tout le monde. Donc, comment ça se passe pour cette clause ? Voilà. Et les trois quarts d'heure qui restent. Non, les 20-25 dernières minutes. Ouais, c'est une demi-heure. Hein. C'est ça. C'est. Et comment le but de la clause pour pouvoir sortir le film. Comment je t'explique la suite des choses qui fait que tu peux sortir de Stockholm. C'est ça, c'est assez. Ouais, ça, c'est vrai que parce que le documentaire aussi une sortie en salle. Parce que moi, je me rappelle, il était au cinéma de chez moi. Donc si j'ai pas vu, je sais qu'au moment de sa sortie, il était quand même projeté partout. Donc à ce moment-là, moi, je ne connaissais pas l'histoire ni le twist. J'ai vu avec Pépé. Ouais. Et puis, voilà. Tu vas voir le twist. Mais c'est vrai qu'on l'a fait. J'ai jamais entendu parler. Moi. On l'a fait, mais moi, j'ai réfléchi. J'attends. Ils disent que François Ruffin, il dit. Attends, Et rien que ce twist te montre comment c'est pourri de l'intérieur. J'en dirai pas plus, mais c'est une effarance totale comment ce système est rogné jusqu'à un mal. Ouais, c'est le dernier acte. Ouais, parce que l'acte 2 et 3 sont quand même plus courts. Toute la fin, justement, à partir du moment où t'as François Ruffin qui se tourne vers la caméra, parce qu'à un moment, ils sont en extérieur, il y a une caméra cachée dans la maison avec le mec de la sécurité, qui parle avec la famille. Et là, il regarde et il fait, putain, ouais, c'est chaud, parce que si on dévoile le documentaire, eux, ils vont tout perdre. Ouais. Alors que, justement, ils sont en train de gagner. Et c'est là où ils se disent... Ils ont dû avoir une bonne grosse réunion pour monter ce plan-là. Pour dire, faut qu'on trouve un truc où on est sûr de pouvoir les piéger pour que nous, on puisse sortir le film et qu'eux, ils gardent l'argent. Mmh. Et c'est, à mon avis, ils ont dû avoir des très très très courtes nuits pour dire ce qu'ils allaient faire. Il y a vraiment tout un scénario qui est mis en place. Il y a vraiment toute une d'exécution. C'est un film de braquage. Ouais. C'est un peu ça, Avec le petit twist final, genre j'abats la dernière carte et c'était le dragon blanc yeux bleus. Non, mais c'est comme ça, ça part. C'est vraiment un plan de bataille. Le premier film, où à un moment, je dévoile un peu le film, mais c'est vieux, c'est... T'as un des protagonistes qui est gymnaste et qui peut faire la contorsion. Le chinois. Qui est mis, le chinois, qui est mis dans un sac pour voler un truc, je sais plus pour quoi. Pour rentrer dans le coffre. Ouais. Pour rentrer dans le coffre. Sauf qu'ils se sont plantés. Ils l'ont pas mis dans le bon bagage. Il y a un truc comme ça. En gros, ils l'ont perdu, ils savent pas où est-ce qu'il est. Et à la fin, tu apprends que ça, c'était prévu en fait. Ils ont fait exprès le foot là. Ouais. Parce qu'ils devaient aller récupérer en fait un autre truc que toi, tu savais pas. Tu découvres au long du film. Là tu dis c'est les tiroirs avec des fonds masqués que tu découvres au dernier moment. 15 fois ce mais si t'as l'occasion et j'ai jamais rien compris. Si t'as l'occasion normalement tu vas mais si c'est là-bas à ce moment-là mais en fait c'était prévu là tu es. Mais non parce qu'ils sont en train de faire un braquage et en même temps ils sont en train de diffuser des vidéos sur les écrans de surveillance des mecs comme quoi il se passe rien. Mais à un moment si il se passe un braquage mais en fait c'est trop tard et du coup à la fin tu sais plus si t'es en train de voir les vraies images ou ce qu'ils ont tourné avant, enfin c'est... Alors le twist à Saint-Tropez, oui peut-être, mais alors pour Bernard Arnault, parce que le twist il était plutôt dans le nord. Est-ce que tu sais, enfin moi j'ai pas suivi après si la famille Parce que eux, bah, la famille a eu son argent, il a eu son idée. Hein. Est-ce qu'ils ont eu des représailles quand même Genre, on est venu la voir, on dit, bah écoutez, bon, nous on s'est grillé et tout, bah bref. J'avoue et que là-dessus, j'ai pas regardé. Je pense pas, parce que j'ai demandé l'argent. Mais rendez l'argent. Vous nous avez quand même aussi fait à l'envers avec des caméras. Kunz, rendez l'argent. Après, c'est à double tranchant. Moi, je me dis, t'es dans la position de Bernard Arnault et de son service de sécurité. C'est-à-dire, si on commence à continuer en plus, alors casser les couilles, je pense qu'on va reprendre une double dose. Ouais. Mais par contre, je me mets à la place des Clure, qui sont la famille principale citée dans le support du documentaire. Je me dis, bon, on va essayer de se faire tout petit, puis on va essayer de pas embêter tout le monde non plus. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que c'est bon, alors, par contre, c'est le regard des autres. Ouais. Parce que t'imagines, eux, ils ont réussi à avoir quelque chose. Ouais, c'est vrai. Imagine la jalousie que ça peut suscité au tour. Tu dis, mais voilà, c'est ça le problème. Enfin, à mon avis, c'est compliqué pour tout le monde dans l'histoire. C'est ce que je disais à Pépé à la fin de la vidéo. C'est là, ils ont réussi pour une famille. Et oui, mais ils étaient problème. Combien dans la situation. Et là, après, t'as le. C'est où c'est un petit peu malsain, c'est que c'est une famille qui est mise en avant. Pourquoi elle plus qu'une autre? C'est ça, il y en a plein d'autres derrière. Et tout est résolu là-dedans. Vous allez voir. Tu me le prêteras si tu veux. Pas tout de suite, parce que et donc, ce Merci Patron, ce documentaire, on peut le trouver un petit peu partout. Il n'y a pas, y a pas besoin de mon DVD, voilà, je pense que sur les plateformes style YouTube ou un truc comme ça, ça va pouvoir. Moi, je l'ai chez mon cousin d'Amérique, mais. Nous, on était chez le cousin français, on était sur Dailymotion. Bah, merci Bouygues, merci de m'avoir permis de regarder ce documentaire. Pour ceux, c'est quoi? C'est 1h20? 1h25? C'est 1h20, 1h20. Ouais, non, c'est ouais. Si c'est après, plus d'une heure, c'est 1h20, 1h20. Oui, 1h20, c'est ça. Si, si vous avez 1h20 et que vous voulez. Regardez Ocean's Eleven. Ouais, c'est ça, mais à la française. Ben voilà. C'est ça. Dans la baie de Somme. Et en fait, finalement, vous avez soulevé pas mal de questions. Et en fait, François Ruffin, il répond dans son livre, du coup, L'heure grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Après 10 ans passés à parcourir la Picardie, puis toute la France, à visiter des usines de robinets, de pistons, de cacao, de lave-linge, de canapés, de chips, de yaourt, plutôt que de s'apitoyer, François Ruffin prépare la contre-offensive. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais bon. Ouais. Et pour commencer, il s'attaque à la grande trouille de ceux d'en face, plutôt il analyse plutôt leur peur bleue, le spectre du protectionnisme. À partir de reportages, de lectures, de rencontres avec des syndicalistes, des patrons, des économistes, des douaniers, il explore une hypothèse redoutée par le grand capital contre le libre-échange qui a occasionné en France les dégâts et les fermetures d'usines que l'on sait. Pourquoi ne pas rétablir des barrières douanières, taxes ou frontières ou quotas d'importation? Partisan d'un certain protectionnisme, l'auteur brise un interdit, c'est plutôt vrai d'ailleurs, dans un journal vivant et familier, qui met en scène des rencontres, rapporte des conversations entendues ou vécues, mais fait résonner des slogans. Contre le triple dumping social, fiscal, environnemental, ses meilleures armes sont la liberté de ton, l'humour et l'ironie. Et quelque part, c'est assez vrai, parce qu'au moment où on a... Non, mais je rigole pas, mais si tu veux, ce sont des notes, mais les notes n'ont pas été mises dans le sens chronologique pur. Mmh. C'est-à-dire que tu parles, je suis allé à la poste, je t'ai regardé ce qu'il y avait à la poste, et puis je suis rentré chez moi. Mmh. C'est mis par à un moment, si tu veux, il va dans une usine où le patron dit putain, quand même, tout ce dumping, ça fait du mal et tout, je sais pas qu'est-ce qu'on va devenir. Mais il retourne 10 ans après, bah, l'usine elle est fermée. Quoi. Voilà, quoi. C'est des trucs comme ça. Quoi. Et il y a plein d'analogies là-dedans dans ce jeu. Voilà, qu'il faut être pas peut-être pris avec des pincettes pour certaines, mais qui sont quand même un petit peu. Voilà, je vais vous citer pas mal de passages. Donc là, c'est le premier passage où l'on nous explique l'économie, comment elle marche à peu près. Je vais prendre une image, tiens. C'est comme si nous étions des hamsters enfermés dans une cage et condamnés à tourner la roue, à pédaler encore plus vite, toujours plus vite, parce que le hamster allemand, le hamster roumain et le hamster chinois pédalaient bien plus vite que nous, ou pour moins cher. Dans cette course mortifère, compétitivité, part de marché, concurrence internationale impose leur discipline. Le travail est réduit à un coût. Il faut sans cesse baisser. La sécurité sociale, les retraites décentes, le salaire minimum deviennent des boulets qui nous ralentissent. Qu'est-ce que les normes environnementales sont des entraves, entre guillemets, pour nos entreprises. La politique n'a plus cours ici. Il n'y a plus de choix, juste pédaler. Les acquis, déjà, constituent un fardeau, mais des droits en plus, vous imaginez un peu les suicides. Comment exiger des normes environnementales plus élevés ou de nouvelles conquêtes sociales ou une meilleure justice fiscale. Ce serait nous pénaliser, saboter notre économie, accroître les importations. La vertu est interdite. Nous sommes paralysés par leur chantage, comme un couvercle que l'on posait sur nos aspirations. Alors mon protectionnisme n'a rien d'un idéal, juste une arme, un outil. Pour desserrer les taux, sortir de ce moulin disciplinaire, restaurer une marge de manœuvre et nous redonner la liberté de nous choisir ensemble une destinée. C'est le premier verrou à faire sauter, ensuite sorti de la cage, nous verrons bien. Ouais. Voilà. Et en fait, ce bouquin est étayé par... alors, ce bouquin, voilà, déjà, il met des notes, mais il n'y a pas que des notes, parce que je vais vous citer les gens qui sont cités à l'intérieur de ce... l'interview des gens. Il y a Jean-Luc Gréau, c'est prix Nobel d'économie. Ouais. Voilà, à peu près. On a Maurice Allais aussi. Tu dois avoir on a Frédéric... Piketty dedans, hein? Non, tu dois avoir pas... Tu n'as pas un Piketty dedans ou... Pas loin. Mais on a Frédéric Lordon. Voilà. Lordon. On a Jacques Sapir, ouais. Moi que j'apprécie beaucoup. Et on a Emmanuel Todd, ouais. Par exemple. Ouais. Et on a aussi un Coréen qui parle aussi, c'est super intéressant. On sait qu'il est déjà. Jean-Claude Benamou. Ouais, Maurice John... Pan. Maurice Poupon. Bien joué, Evan. Maurice Pan. Pierre Bénichou. Ouais. j'y donne 16, c'était très drôle. Merci. Papou. Alors, Maurice Paon, Papou, Papon. Papon, Papon, Papon. Papon, Papon. Et après, on a Hua John Wang. C'est un américain, bon, il est d'origine coréenne. Et pour vous dire à peu près le titre de ce qu'il dit, c'est Les mauvais samaritains retirent l'échelle. Un peu, il nous parle un peu du dumping, tout ça, etc. Approche-toi à l'ampoule, je retiens les chaînes. C'est ça, un petit peu. Ouais, après, j'ai d'autres phrases hein, qui sont un peu... Ouais. Faut que je les retrouve parce que j'ai pas bien noté. J'ai rien noté. C'est pas grave. Bref, qu'est-ce qu'il défend en gros ce monsieur? J'y reviendrai après. Oui, après, bon là, dans ce bouquin-là, c'est vraiment le protectionnisme, mais c'est vraiment là ici à vertu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dresse un constat ou il propose des solutions? Plutôt, il dresse un constat quand même. Voilà, c'est plutôt ça. Il va interviewer beaucoup de gens, mais c'est pas qu'un constat pur non plus, parce que tu vois, il va voir Emmanuel Todd, tout ça, etc. Ils amènent pas des propositions. Il est pas là pour faire l'apologie de propositions non plus. Ouais. C'est pas un dogme quoi. C'est pas un dogme, voilà. Pour lui, c'est un outil qui lui paraît pertinent parce qu'il y a beaucoup de trucs. Sujet sur lequel il faut qu'on s'intéresse. C'est ça. On a par exemple, alors où c'est que c'est tatatac Maurice Pape. Ah, ça fait rire. Désolé. Jean-Michel Papon. Jean-Michel Papon. C'est le papou papa Pou. Le papa Pou. Le papa Pou. Le papa Pou. Le papa Pou. Le papa. Ah ben celui-là, attends, j'ai entendu celui-là. Je vais vous lire. Alors, ça s'appelle Amiens, mardi 21 avril 2009. Interdit moral. Ce n'est qu'une option économique, mais ils en font un interdit moral. On est dans une grave crise, assène ainsi ce matin sur RTL, Alain Duhamel. Je vais se rigoler. Et dans des crises de ce genre, il y a toujours des tentations de protectionnisme, de nationalisme, de racisme et xénophobie. N'est-ce pas? Et d'aligner ces concepts comme des quasi-synonymes. Bien évidemment, le protectionnisme, c'est du racisme. Bien évidemment, tout le monde en est tout le monde, d'accord. Depuis quelques semaines, les penseurs se relaient, tous plus originaux les uns que les autres, pour établir cette équivalence. Nicolas Bavrez, essayiste de La France qui tombe, la violence du choc et sa nature déflationniste lui confèrent ainsi une dimension politique libérant des pulsions protectionnistes, nationaliste et extrémiste, bien évidemment. Car le protectionnisme ne saurait relever que de la pulsion, c'est-à-dire de la bestialité, de l'irrationnel. Pascal Lamy, patron de l'OMC, voilà, abonde. Je ne connais aucun protectionnisme qui ne porte pas une dose de xénophobie, de nationalisme. Ouais, mais il peut développer ou pas? Bon, c'est que ça. Bon, j'arrête là. Peter Ondelmelson, ex-commissaire européen au commerce, met en garde contre des politiques xénophobes. De suite. Voilà. Le protectionnisme serait le plus sûr moyen de transformer une récession en dépression. raconte Marie-Paul Viard, co-auteur de Le capitalisme est en train de s'autodétruire. Donc tu te rends quand même compte que dans des livres, on te dit le capitalisme est en train de s'autodétruire. Mmh. C'est-à-dire des livres, on est censé quand même te ramener un peu de... un minimum de recul, tu vois. Et bien finalement, le protectionnisme, niette. Dans un bain, niette. Protectionnisme, xénophobie, conservatisme, l'histoire nous l'enseigne, le repli n'est jamais une bonne nouvelle pour la pérennité et la paix du monde. François Ruffin, il est une certaine forme de protectionnisme. Oui, voilà, de toute façon, c'est un protectionnisme financier, lui, qui veut pas une protection. Mais par contre, il ferme pas la porte à l'Europe. Non, mais... Lui, il veut juste une Europe un peu plus... construite et aménagée peut-être un petit peu plus intelligemment, peut-être un petit peu plus rationnel. Mais pour lui, l'Europe, ça résume à un regroupement de pays, quoi. Un regroupement de pays, pour lui, c'est ça. C'est, pour lui, l'Europe se résume au Jacques Delors qui fait aux autoroutes. Voilà. Et avec le rayon courbure de la banane et puis tout le bordel. Voilà, c'est ça. Le diamètre du Saint-Denis. C'est ça, voilà. Et pour lui, ça se résume à ça. Et c'est quand même une grosse part de vérité parce que bon. Ouais. J'ai écouté un débat il n'y a pas longtemps sur France Culture qui parlait de... Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, en Allemagne, il y a une femme de gauche qui a fait polémique parce qu'elle a dit bah, maintenant les migrants, ça suffit. Ouais. Ça fait du mal social, ça suffit. Et ils étaient interviewés et une femme dit oui, mais vous comprenez quand même, sans parler du libre-échange, parce que le libre-échange, malheureusement, n'est jamais évoqué dans ces trucs, parce que, alors que c'est pour moi le nerf du problème. Ils disent oui, mais vous comprenez, les gens comme ça, ils peuvent faire Erasmus, ils peuvent tout faire. Je pense que les fils des Clutes à. Les Clures, pardon, à Amiens. Mais t'aurais qu'il ait fait Erasmus, hein. Parce qu'il faut quand même un petit peu. Les moyens déjà. Un petit peu les moyens. Sans aller plus loin déjà, il faut des moyens. Les moyens déjà. Et rien que ça déjà, il faut les moyens. Hein. Ah, et Benan dans beaucoup. On a Revan qui nous dit qu'on est en ligne. Ah, et, malheureusement, il y a beaucoup de. J'ai vu ça passer récemment, il y a peut-être 3 mois, au moment des sélections, tu sais, dans certaines universités. Où des gens se voyaient refuser une entrée en université. Alors, c'était pas du journalisme, je sais plus ce que c'était, où les gérants leur avaient répondu mais écoute, t'as pas fait de stage à l'étranger, on va pas te prendre. Voilà quoi, on résume aussi le. Voilà, donc si t'as pas d'argent. Non, mais on est dans un cercle vicieux que tout le monde veut transformer en cercle vertueux, mais sans rien faire. C'est ça. Au bout d'un moment, on n'y arrivera pas. Et bien évidemment, on tombe sur des phrases. Je vais le finir quand même, parce qu'il y a quand même une phrase d'anthologie. L'économiste Christian Saint-Étienne se fait historien également et ne chipote pas. Attention, j'ouvre les guillemets. Cela finit toujours par le régime national-socialiste. Oh là là. Les mecs, ils y vont. À fond les ballons, les mecs, ils y vont. Les mecs, ils roulent. C'est pour qu'ils roulent, tu vois. Pas trop fort. Attends. Voilà. Derrière les barrières douanières se cache toujours un. Petit Hitler. À noter que cette phrase n'a pas changé. Parce qu'il n'y a pas longtemps, dans un journal italien, Pierre Moscovici, que certains connaissent ici, travaille pour. Bien. Au commissaire. Voilà, au commissaire aux affaires européennes, a dit que dans la même phrase, et je ne rigole pas, a comparé les gens qui voulaient faire des trucs un peu protectionnistes à des Mussolini et des Hitler. Ah oui, voilà. Tout ça dans une seule et unique phrase. C'est-à-dire que c'est séparé avec des virgules. Maintenant, c'est là où il faut essayer de rentrer un tout petit peu dans l'intelligence du débat, c'est de se dire pourquoi on nous dit ça. Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Bon, il y a un passé historique. Ouais. Effectivement. Est-ce que c'était réfléchi maintenant, ou pas, est-ce que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets? C'est douter de la nature humaine. Par contre, est-ce qu'avec les mêmes causes, on peut faire se reproduire les mêmes effets? Oui, il suffit juste qu'on mette la main à la roue et qu'on aide à faire le truc. Donc après, qu'est-ce qu'il suffit de faire? D'agiter les peurs. Mais attention, ces peurs, elles ne sont pas fictives. Agiter les peurs. Ces peurs ne sont pas fictives. Moi, quand tu me dis derrière chaque frontière se trouve un petit Hitler, ok. Moi, l'électrochoc, il a marché. Je me dis, bon, bah ok, on va réfléchir à ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on peut l'encadrer? Est-ce qu'on peut le fermer ou pas? C'est ça, c'est de la novlangue, et puis c'est juste pour aiguiller les populations dans le sens où on veut aller. On s'est fait la réflexion avec Péremptoire, c'est jeudi soir quand tu arrives à la maison, où il parlait des élections européennes. On s'est dit, les élections européennes, l'échéance, c'est en. Ouais, l'échéance, c'est en mai 2019. Et les mecs sont déjà en train de. Et puis après, les gens le prendront comme ils voudront. Moi, je cite un fait, et on a discuté après avec Péremptoire. On te met la République en marche, et t'as 21,5% dans les sondages, Et comment ça s'appelle l'autre là, son truc, la France nationale, Rassemblement... Le Rassemblement national est à 20%. Ouais, raciste. Donc du coup, les racistes. Nous on a. Oui, mais. C'est un rassemblement. Ouais. C'est les racistes. Faut admettre que c'est pas tout clair non plus. Alors tout ça, c'est plutôt brun. Hein. Et avec Pépé, on disait, bah les autres ils sont où? Écologie, France Insoumise, machin. Donc France Insoumise est à 12,5 pour l'info. Pour info. Le PS, je sais même pas si on en a parlé. Je sais pas, mais les Républicains, c'est 12. Et je me suis. Donc on s'est posé la question, on s'est dit, mais quel est l'intérêt à 9 mois de l'échéance quasiment? C'est trop de venir nous bassiner avec les élections européennes en nous disant surtout qu'on n'en avait jamais entendu parler jusque-là, que le Rassemblement National est à un demi-point derrière La République En Marche. Juste histoire de faire parler pour dire attention, il y a ces deux-là, et c'est tout. Non mais bien sûr, c'est inquiétant de voir le voter pour nous. Si c'est vérifié, bien sûr, c'est inquiétant de voir le Rassemblement National arriver à un tel niveau de popularité, parce que franchement, c'est pas que ça fait froid dans le dos, parce que ces gens-là, honnêtement, la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est qu'un jour... Non, je vais rien dire. Il y a un accident de voiture. Ah, c'est malheureux. On peut pas souhaiter ça, mais voilà. On serait chez Podcastéo, encore, je dis pas. Il y a eu un message de David tout à l'heure. J'ai vu passer, mais j'ai préféré pas relever parce que sinon ça m'aurait fait sortir de l'émission. Mais il a. Je pense qu'il pense pas tout à fait son truc. Et je me suis dit quel est l'intérêt de commencer à mettre en évidence ce genre d'informations à 9 mois d'une échéance européenne dont on sait très bien que de toute façon les Français sont systématiquement contre. Les Français sont contre, on est dans l'Europe uniquement parce que on a fait des référendums d'initiative populaire, enfin entre guillemets d'initiative populaire, parce que c'était de l'initiative parlementaire, c'est-à-dire que tu donnais ta réponse, en fait tu votais pour un grand électeur qui lui votait, c'est-à-dire que le grand électeur il a regardé tes réponses, il a fait non, elle me plaise pas. Oh, ça va pas. Hein. Et on a dit oui. Enfin, mais je sais pas. De Gaulle, quand il disait que les Français c'est des veaux, mais il a pas tort. Qu'est-ce qu'on a eu dans le calbut à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient nos anciens là? Ceux qui avaient 40, 50, 60 berges à ce moment-là, quand on est rentré dans l'Europe. Peut-être qu'il y a de bonnes choses dans l'Europe. Je dis pas le contraire. Je dis juste que quand on te demande ton avis et que tu dis non, si on dit oui derrière à ta place. Mais il y a un moment, quand tu te fais fourrer, tu réagis. Et bien là, on s'est fait fourrer dans toutes les largeurs. Uniquement sur le principe que tu avais donné une réponse et qu'on a dit le contraire. Je ne reviens pas sur l'utilité, la nécessité ou pas de faire l'Europe. Mais une question de principe. Moi, quand je dis non, c'est non. Si tu dis oui à ma place derrière, mon gars, il va y avoir des représailles. À noter que c'était dit très crûment par Pierre-Emmanuel Barré, je pense que certains le connaissent. Oui. Emmanuel Barré, c'est ça le coup. Ouais, c'est ça. Qui disait à un moment quand tu te fais enculer, enfin tu le mec tu te retournes, tu lui mets une patate dans le plexus, tu retournes pas pour lui caresser les couilles quoi. Ouais, c'est ça. Donc pour en revenir à l'effet d'épouvantail et l'alerte à la masse et commencer à conditionner les masses, c'est le raisonnement que j'ai eu avec Pépé. Je lui dis mais explique-moi la pertinence de balancer une information comme ça 9 mois avant. Veux-tu que j'en parle un petit peu, peut-être un petit peu, parce que j'ai un petit. Alors là, c'est pas de lui, hein. C'est Emmanuel Todd, que je pense que je vais lire très rapido. Et nous, alors ça s'intitule Le Front National, la plongée, entre guillemets, d'une proportion importante d'ouvriers, ou plus généralement de membres d'une catégorie populaire dans le vote Front National, conduit à une situation sociologique et psychologique originale. Le pauvre dans le regard du riche commence d'être défini par son orage moral, d'autant que par ses difficultés économiques. C'est ainsi que naît le climat très particulier des années 90, durant lequel, je pense qu'on peut... Bernard Arnault rentre dans ce schéma d'ailleurs, ça serait bizarrement, tu vois, ça, beaucoup de choses arrivent à ricocher, dans lequel les milieux populaires sont systématiquement dénoncés. C'est sans doute un moment de bonheur intense dans les catégories supérieures de la société qui peuvent ainsi jouir simultanément de leurs privilèges matériels et du sentiment d'être du côté d'être de la justice. Rarement une société aura autant donné à ses élites la culture, l'argent et la bonne conscience en prime. La société française des années 88 à 98 combine un discours civilisé, soft, moderne, sur les droits de l'homme, la démocratie et la sexualité, et à une gestion féroce, cruelle, indifférente des rapports économiques et sociaux. Le libre-échange et la politique du franc fort, et pas du Francfort, bien évidemment, est imposé à l'économie des adaptations aussi dures qu'inutiles. Les élus ont infligé à la société des souffrances inouïes. Le vote Front National ne relève pas une violence populaire spécifique. Elle n'est que le reflet dans les milieux populaires de la violence de la classe dirigeante. Ouais, on est ça. D'accord, on n'est pas d'accord. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Todd met des mots sur des trucs moi qui m'ont... Franchement, il y a beaucoup de trucs dans son livre qui m'ont marqué. Celui-là, peut-être, après, il en a fait un sur la lutte des classes. Je ne l'ai pas lu encore. J'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai que François Ruffin a le... j'en avais parlé hier, je crois, rapido. Mais, ou peut-être ce matin, je ne sais plus. Où il a fait une interview. Alors, la semaine, on a enregistré. Donc, on est le quoi, le 15. Il a fait une interview sur France Inter. Alors, c'est vrai que le problème de François Ruffin, c'est que... Avec l'excellente Léa Salamé. Pardon, France Info. D'accord. Et, où, en fait, il était interviewé par Renaud Dely et je ne sais plus qui, d'accord. Je sais plus son nom, c'est pas grave. Et en fait, il interroge, il dit, et au fait, la sanction qu'on a amenée sur la Hongrie, il lui met cette question. Il dit, bah, écoutez, moi, j'ai pas les infos, j'ai pas plus bossé le dossier que ça, je vais pas vous répondre. Les mecs sont restés comme des rondes de flanc. Mais c'est honnête. Voilà, au même, il est honnête. La qualité, le défaut de François Ruffin, c'est que quand tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il rabâche. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il rabâche. Parce que quand j'ai écouté l'interview qu'il avait fait sur Simperview, j'ai l'impression que c'était 10 000 fois qu'il disait les mêmes trucs. Mais le problème, c'est que les autres, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques à côté d'eux, le problème, c'est qu'ils passent leur temps à faire le candidat de... C'est quel livre, ça? Le candidat de... C'est une pièce de théâtre de... Merde, comment il s'appelle? Quelqu'un peut chercher, peut-être, la pièce de théâtre, le candidat. Et en fait, c'est. J'ai plus le nom de l'auteur. C'est un truc genre Fuenquillos ou un truc comme ça. Non, mais c'est une vraie. C'est récent, ça. C'est vieux. Certaines. Et en fait, c'était. Ça parle du candidat. C'était une personne qui, selon son auditoire, était populiste, était protectionniste, était etc. Et quelque part, tu vois, ce mec sort quand même un petit peu de ce schéma. Alors c'est vrai qu'il a des fois une dégaine, des fois un peu mordeur quand il va à l'assemblée avec son maillot de foot, t'es un peu mordeur, enfin t'es pas mordeur, mais c'est... Ça contraste, c'est une bonne posture, voilà. Hein. De ce que je vois pour le candidat, j'ai Jean-Pierre Goff et François Gouillot de sur du Hérault. Pas du tout. Va sur Amazon, peut-être un peu mieux, non? Le candidat, je sais plus qui c'est, mais c'est un truc assez... Faut que je lise ça, d'ailleurs, c'est vrai. Attends, c'est... je vais regarder sur Wikipédia. De l'autre côté, sur le chat, on a quand même Revan qui nous... Gustave Flaubert. Hein Flaubert. De l'autre côté, sur le chat, on a quand même Revan qui nous... qui nous rappelle et qui nous fait quand même remarquer qu'il y a quand même la question à se poser sur la légitimité des gens avec le volume des votes et la pertinence du vote blanc, du vote nul. C'est ça. Ah bah complètement. Ouais. Alors faudrait juste dire que si les candidats, les votes blancs et nuls sont comptabilisés, mais ils n'ont aucun effet. Et constitutionnellement, c'est un vrai scandale. C'est ça. C'est juste ça. Non, parce que je vois que... voilà, ils sont pas pris en compte. Oui, c'est donc je précise juste le terme. Oui, ils sont comptés, mais non, aucun effet. C'est ça. Il y a eu tant de votes blancs. Mais même est-ce qu'on donne ces informations-là? Est-ce qu'on dit il y a eu tant de votes blancs? Dans les infos, il y a eu tant de votes blancs. Mais il a été élu. C'est toujours paraphé. C'est toujours paraphé. C'est une information que tu as, mais c'est à toi d'analyser. Voilà. De mémoire, je crois qu'au Québec, si tu es élu avec moins d'un certain pourcentage de participation, on considère que c'est pas bon. C'est pas bon. Bah oui, c'est illégitime. On considère que tu représentes pas un quorum de personnes et donc tu peux pas être élu pour représenter l'ensemble de ces personnes. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce genre de cas pour des municipales lors des dernières élections? Je me demande si ça n'a pas été le cas à des endroits où des gens Emmanuel Valls avaient des majorités, mais pas des votants, suffrages exprimés, mais pas des votants, et du coup ils n'ont pas été élus. Sur les municipalités, pas je crois que c'est possible. En tête, mais je crois qu'au municipal, il y a eu quelque chose comme ça. Pour les petites villes, par contre, au présidentiel, la mise profonde. Je sais pas. Alors là, je vais vous citer un texte. Je dis peut-être qu'une connerie, mais c'est quelque chose. C'est pas impossible, ça. Alors là, je vais vous citer un truc. Vaguement quelque chose. Alors ça fait. Là, c'est. Ça sort un peu plus du. C'est pas hors contexte, mais c'est différent. Et là, je sais que ça va un petit peu polariser les gens. Il y a un petit peu de la PLS. Ouais. Je pense, mais c'est pour ça que j'ai envie de le citer et j'ai envie de m'en arrêter là-dessus. J'ai envie que les gens réfléchissent là-dessus. Il n'y a pas encore Pépé. Il n'y a pas encore Pépé. Il faut meubler que pendant que Pépé arrive. Donc en fait. Moi je pense qu'il fait caca. Non, trop court. Trop court, hein. Ça, c'est bon, vas-y, fais ta dernière citation. Ça va être un petit peu long, mais c'est pas fini, mon putain, mais c'est le truc de la nuit, là, ouais. Alors, c'est Amiens, lundi 25 avril 2011, métissage. Je me souviens, j'étais en classe de seconde et la prof de français, Madame Thomas, avait apporté une cassette de La Marche du siècle. Vous allez voir, c'est formidable, nous avait-elle prévenu. Parmi un tas d'autres superlatifs, elle a éteint la lumière. De cette séance, à 20 ans de distance, il me reste juste une image, un mot, un malaise. L'image, c'est le philosophe Michel Serres, la vedette d'un soir qui rit aux côtés de la chanteuse Sappho. Portant une tenue bizarre, elle, le regard caché derrière un voile, les lèvres peinturlurées. Putain, Sappho, elle existe encore. De longs gants noirs qui montent jusqu'au coude. Le mot, c'est métissage, prononcé dans la moindre phrase. Il me semble comme on récite son chapelet avec des incantations magiques. Et c'est le malaise, bien sûr, à 15 ans. Il m'est apparu confus, obscur. Je ne disposais ni du recul, ni des outils pour faire la lumière sur ce trouble, mais lorsque la projection s'est achevée, Madame Thomas s'est tournée vers nous, vers moi, plus spécialement, et m'a demandé « C'est extraordinaire, non, ce dialogue ? Quelle arme contre le racisme ?» Voilà. J'ai lâché « Oui, peu non. » Et c'est avec le sentiment. Alors, déjà, de participer malgré moi à une imposture. D'avoir assisté, je l'ai compris. Après, je ne le comprends maintenant, à de la propagande. Sur le site de l'INA, j'ai revisionné aujourd'hui cet enregistrement. Les présentations par Jean-Marie Cavada donnent le ton de cette liturgie. Vous allez nous dire ce qui, dans votre vie, est le témoignage du métissage. Et puis, nous allons demander aux invités qui sont ici sur le plateau, à savoir Guy Lagorce pour le métissage sportif, Sappho pour le métissage artistique, et pour son propre métissage personnel, Michel-Édouard Leclerc pour le métissage de sa formation et le métissage de ses décisions. Alors, qu'est-ce qui, dans votre vie, témoigne de ce que vous êtes le fruit de ce métissage et de cet endoctrinement? Se poursuit, elle sourit, hein, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Un peu plus. Non, vas-y, continue, on te dira ça après. Oh putain, ça va pleurer. Avec cet éloge, le choc de l'altérité. Parce que se métisser, c'est d'abord voyager. Avec ce racisme quasiment inversé, c'est là qu'il faut écouter les enfants. Une ode au sang impur, juive, de sang arabe, née à Marrakech, vivant à Paris. Elle porte un nom grec, et de ses origines proviendrait le talent de cette chanteuse. Jusqu'à cette conclusion où, à nouveau, l'insignifiance se déguisait en intelligence, le métissage, c'est non seulement un espoir, mais c'est inéductable. Bravo. C'est parce que les avions existent, les distances sont abolies. Pour nous délivrer cet humanisme de compréhension et de richesse du métissage, dit Cavada. Tous les pouvoirs étaient unis, un intellectuel de la Sorbonne et de l'Académie française, la télévision publique en prime time, un héritier patron de la grande distribution et même l'école des jésuites et de la République. Tous d'accord. Oui. Ça te laisse entendre. Alors, le cahier voilà, dit sur le chat. En tout cas. Non, c'était des discussions privées, je te laisse. On va pas le dire. On va pas le dire, je te laisse. Une vague histoire de caca. Ouais. Ah. Hein. Oh, c'est bureau, t'as une mère solitaire. Hein. Bref, est-ce que t'as autre chose à nous rajouter sur Monsieur Ruffin, mon petit Gandalf? On va dire que ça m'a remis un peu le pied. En fait, c'est plutôt. En fait, j'avais l'idée de faire quelque chose sur lui, mais je m'étais dit bon, je vais lire, je vais en profiter. Non. Et on va dire que ça m'a pas convaincu. C'est mon mort politique. Hein. Oui. Je vais pas mentir. Hein. Je vais pas dire que ça m'a révolutionné mon quotidien. Je me suis pas levé un bon matin en me disant oh. Ouais. Mais quand même, ça, j'avais hâte de rentrer le soir pour le quotidien. Et ça, c'est rare, ouais. Parce que peut-être dire que la dernière fois que j'ai lu un livre. Ça remonte à Belle Eau. Ouais. Et finalement, ça ouvre à certains autres trucs maintenant. Et maintenant, je me suis remis à la lecture. Donc, je lis du Jacques Sapir. J'ai du London en préparation. Moi, c'est souvent des gens qui ont cité François Ruffin. Et par exemple, je vais me pencher sur Wilkinson, qui a fait un dossier d'étude, on va dire, un truc comme ça. Qu'en fait, la santé était un rapport d'égalité très fort. En fait, et je vais me pencher là-dessus et ça me paraît forcément intéressant. Et pour finir, pareil, j'avais lu paix intérieure et paix sociale. Alors c'est un truc qui est fait par des cathos quand même. Moi je suis pas hyper catho, mais j'ai apprécié parce que c'était hyper fin. C'est pas, non, c'est quoi, c'est 80 pages je crois, même pas. Ah, c'est un petit pamphlet. Un petit pamphlet, ouais, une soixantaine de pages. Ça parlait de Jaurès, des trucs qui m'intéressaient bien. Et quand même, j'ai trouvé assez pris. J'ai dit pour une fois, pour des hommes d'église qui prennent des enfants. Ou qui prennent des enfants, ou si tu veux. Non, mais ouais. Qui mais prennent non, des. On va dire qu'ils. On va dire qu'ils. Les nous aussi, toi tu veux le feuilleter. Tout. Allez hop. Et qui. En fait, voilà, qui. On va dire qu'ils posent un peu les couilles sur la table pour rigoler. C'est dit comme ça, c'est dit un peu bêtement, mais c'est un peu ça. Parce que finalement, il y a pas longtemps, vous vous rappelez, on a eu la polémique du pape. Ouais. La polémique du pape. Le pape avait dit que les gens feraient qu'ils fassent un petit peu de la psychiatrie. T'écoutes le truc en entier, déjà, t'es un petit peu plus, tu fais ah ouais. Tu comprends le sens de ce qu'il voulait dire. Sans vouloir lui enlever quand même, parce qu'il a dit, c'était quand même hyper maladroit, sur le coup quand même. Parce que la psychiatrie, c'est pas un mot à utiliser, tu sais, c'est pas un mot que tu jettes comme ça. Malgré tout, il faut se rappeler que l'église catholique est forte dans combien de pays? Quand tu regardes ces pays, tu te dis, ah c'est l'Afrique du Sud, enfin l'Amérique du Sud, tout ça, etc. Et quand tu vois les gens comme ils sont progressistes là-bas, tu vois que finalement le pape, même... C'est important ce qu'il dit. Voilà, il a un rôle politique en fait. Là-bas, il est un petit peu mal vu parce que là-bas, il est beaucoup trop progressiste. Ouais. Voilà. Parce qu'on rappellera que moi j'ai vu des. Pas des évêques, mais des gens un petit peu qui se disaient de l'église, qui disaient que dans Starbucks, les homosexuels éjaculaient dans les cafés pour nous rendre homosexuels. Ça, mais c'est pas parce qu'ils croyaient en Dieu qu'ils disaient ça. Ils étaient cons. Bah oui, voilà. Du coup, ils étaient cons. Parce que le pape, voilà, quand même. Ils en profitaient pour faire chier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a plein de trucs qui sont ouverts. Moi je dois lire maintenant comment faire Destroy de l'Europe. Je pense qu'il va être un petit peu folklore. Aussi de François Ruffin, donc voilà, je me penche un petit peu. Et je dois lire récemment, pour un prochain podcast, oh, il sera peut-être sorti au moment où je raconte ces paroles, je dois lire le Jacques Sapir, La démondialisation aussi, qui a l'air. Parce que Jacques Sapir est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Malheureusement, comme il est. Il s'intéresse beaucoup aux. Comment ça s'appelle aux questions russes, ben en fait, il est vu comme un russe au fil. Donc, eh ben, personne ne veut l'écouter, parce que tu comprends bien, quand tu parles sur RT, t'es qu'un gros paquet de merde. Parce que tu comprends bien, tu fais pas partie de la doxa qui veut que le russe est méchant par nature, bien évidemment. Ce que moi j'amènerais quand même plus de nuances, même si sur RT il y en a qui disent qu'il faut de la propagande, quand tu vois le niveau de la propagande, des fois tu rigoles bien quand même. Bien, est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour votre part? Non, je pense que c'est bon. Tu nous as fait une ruffinade. Il fait soif, frère. Donc, pour finir et avant de clôturer juste ce sujet, j'ai lu pour vous. On va rappeler les supports. Merci. Donc, ouais. Le documentaire Merci Patron. Ouais. Qu'est-ce qui a servi aussi? Le livre Paix intérieure et paix sociale par François Ruffin et Monseigneur Olivier Leborgne. François Ruffin, Leur grande trouille, le journal intime de mes pulsions protectionnistes aux éditions Babel. Ouais. Et pour aller encore un peu plus loin, François Ruffin, Les petits soldats du journalisme aux éditions Pluriel. Et peut-être pour finir, alors je n'ai pas parlé du coup parce que je me suis beaucoup étendu finalement, je me suis beaucoup plus étendu que ce que je me suis pensé. Ouais. Si vous voulez lire de la presse de gauche qui est plutôt sympa, qui a moins de parti pris que Libération, tout ça, etc., il y a quand même pas mal de parti pris. Moi je lis beaucoup Courrier international et Le monde diplomatique, et c'est hyper sympa, on voit pas mal de d'avis divers. Pas divergent, pas non plus. Vergent. Ouais. Mais voilà, c'est super sympa. Je peux vous montrer certaines, peut-être vite fait. Vite fait alors. Oh, oui, rapido. Et récemment, par exemple, ils ont sorti un atlas sur les nouvelles routes. Donc, ça vous parle des routes, par exemple, de la drogue, tout ça, etc. Ouais. C'est sympa. Okay. J'en ai ressorti un autre, c'est L'Europe, la fin. Oui. Brexit, fièvre populiste, crise financière, migrants. 60 ans après le traité de Rome, l'Union européenne menace de se disloquer. Donc, c'est pareil, ils font un petit peu de mise en abîme de l'Europe. Et après, on a aussi Le monde diplomatique, où on a un titre, par exemple, dans le dernier qui était sorti, voiture électrique, une aubaine pour la Chine et le système Pierre Rabhi. Très bien, je te remercie, mon petit Gandalf. Pas de soucis. Maintenant, j'aurais besoin que quelqu'un attrape le fichier du question aux invités. Je l'ai, on l'a. Voilà, donc monsieur Azertov, est-ce que tu veux bien procéder à la mise à mort? Oui. Non, alors. Oui, je l'ai dit d'abord. Voilà. Allez, viens. On va manger des chips. Et voilà. Attends, des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. C'est toujours trop long. C'est trop long. Là, c'est bon. Trop long. La question aux invités, allez, on va abréger les souffrances de Monsieur Pépé. Oui. Dis-nous un chiffre entre 1 et 93. 8. 8. 8. T'écoutes quoi en ce moment? J'écoute ça tout de suite. Mike Drop. Très bien. Je sais pas quoi dire, mais en ce moment, j'écoute le dernier cyber avant la fin du monde. Voilà. Ok. C'est un podcast. Voilà. Ouais. Ouais. Podcast du Captain Web, entre autres. Oui. Ciao le gaz. Allez. Benjir, qu'on n'a pas trop entendu jusque-là, est-ce que c'est l'effet prune? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est le mois de décembre? C'est vrai, vous m'avez pas entendu? Est-ce que c'est le feu de cheminée? Ton micro était peut-être pas branché. Qui t'en a qui Moi, je veux le numéro 24. 24, ah putain. Pourquoi dyslexique est si difficile à écrire? C'est une question d'Oasis. Parce que c'est des salauds quoi, c'est quoi tout ça? C'est quoi inventer le terme de la maladie? C'est des enculés. Bien, bien, bien. Est-ce qu'on a un petit jingle pour la section suivante? Oui, attends, je. Oui, parce que sur les couilles et sur les questions aux invités, je pense qu'on a fait le tour. Oui, dis oui, on dit oui. Monsieur Astou. Oui. Allez, on va enchaîner avec un petit quiz. Allez mon petit Asto, un quiz, le titre Blends au pluriel test. De quoi c'est donc Blends qui test. S'agit-il? Eh oui, c'est une espèce de petit jeu de mots entre Blends et Blind Test. Ouais. Comme tu l'as deviné, il va s'agir d'assemblage en effet. Mais... Sachant que le blend, c'est un assemblage, c'est un terme plutôt utilisé pour les whisky. Voilà. D'accord. Alors, sache que le jeu de mots ne vient pas de moi. Le jeu de mots est inspiré d'une chaîne YouTube que j'ai découvert, qui s'appelle NHK Blends, qui est une chaîne YouTube où il y a des émissions de découpées en fait, qui étaient diffusées sur la chaîne télé NHK World, donc une chaîne de télé en anglais qui fait découvrir la culture japonaise. Ah oui, je crois que j'en ai déjà vu une fois. Et en fait, ces émissions NHK Blends, ce sont des morceaux de musique ultra connus, joués avec des instruments traditionnels japonais. Ah, d'accord, c'est bien ça. Donc je vais vous faire un petit blind test. J'ai repris les vidéos, j'ai extrait le son. Donc il faut mettre les casques, je suppose. Il faut mettre les casques et vous allez avoir des musiques. Alors c'est très très facile, hein. Le but c'est un peu de vous faire découvrir aussi un petit peu les instruments de musique qui sont liés aux chansons en question. Donc voilà, ça va être des morceaux de musique repris avec différents instruments 20 balles et Toto. Traditionnels japonais. On fait quoi, on gueule si on a la réponse ou on les... vous l'aurez assez rapidement normalement, puisque c'est des morceaux très connus, très faciles. Ah, c'est ça. Donc donnez-moi juste voilà, le titre du morceau. Donnez-moi le nom de l'instrument. De toute façon, il y a la guerre. Tata Yoyo à la guitare. Si vous avez le nom de l'instrument, je suis preneur. Mais si vous pouvez me donner déjà le titre et l'artiste original du morceau. Ce sera pas mal. Ça sera pas mal. Tata Yoyo. Alors, est-ce que ça va fonctionner comme prévu? Oui. Ça c'est le... Ah, ça c'est Guns N' Roses. Non. Non, c'est Chaka. Ça c'est... C'est Welcome to the Jungle, ça. Ouais, Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle des Guns N' Roses, en effet. Du coup, il y a la chamisène. Ouais. Alors, c'est le truc long avec tout non, le chamisène. C'est le koto. C'est le koto, donc c'est le truc long avec le chamisène, c'est la sorte de guitare. Là, c'est le truc long qu'on voit dans Shonen Soccer. Ou dans Shonen Soccer, ou autre. Ah, c'est moi. Et c'est moins percutant du coup. Ah, mais clair. Voilà, donc c'est une reprise de Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Là tu le vois la flûte. Voilà, donc il y a une flûte. Oui, voilà. Et donc l'instrument qui est mis en avant sur la vidéo en question, c'est donc le Jushichi Gen Koto. Donc Jushichi, donc le Jushichi ça veut dire 17, Gen corde. Donc un koto à 17 cordes. D'accord. C'est un koto, en fait c'est un koto basse en gros. Il est plus petit, il peut ramasser peut-être. Non, non, pas spécialement plus petit, mais c'est juste que c'est la gamme de son. Il est toujours aussi grand que les autres. Donc le koto, c'est cette espèce de harpe horizontale avec des. Et toujours en grattant toujours. Oui, c'est pas comme les guitares ou. Ouais, c'est pour ça que j'ai juste trouvé ça super. Très bon. Tu peux faire voilà, il y a plein de techniques différentes. Partie hard. Coteau bien affûté. Ouais, ouais, ouais. Merci, Evan. Pas mal. Monopinel. Coteau, ça part. Il est bien coupé. Next. Allez, on va passer au morceau suivant. Ah, c'est DC. Avec une plaque. Ouais. Exact. C'est le champion. Ta-da-da. Et ça porte moins quand même. Hein. Mmh. Ouais. Ça a beaucoup moins d'impact. De quoi ? C'est quoi déjà ? Back in Black ? Oui, voilà. Et si, d'ici, il l'a dit. Là, par contre, l'instrument. C'est de la flûte. Non, non, après il y a aussi des instruments classiques, hein, non, l'instrument qui est mis en avant sur, sur ce morceau là, c'est le Shime Daiko. C'est le petit tambour qu'on entend. Ah d'accord, oui. Ah je sais plus comment il s'appelle lui. Shime Daiko. Ouais. Donc c'est en fait c'est une espèce de tambour, ça ressemble un peu à un, mais c'est pas un sablier en fait. Ouais. Parce que c'est un tambour avec une peau tendue de chaque côté du tambour. Ouais, c'est comme les trucs sénégalais. Et c'est tendu avec des cordes en fait. Ouais, tu peux jouer des deux côtés quoi. J'imagine trop un jeu vidéo avec genre. Surtout d'un côté, mais après. Un japonais aux États-Unis et tout, et là il est dans un pub et tout, puis ça me rappelle. Donc, ça, c'est des instruments traditionnels qui étaient utilisés à l'époque dans le théâtre de Noh en fait. Entre autres. D'où le début, la voix qui faisait. C'est le joueur de tambour qui fait aussi les voix de. Humanitas de la guitare. Là, ça a l'air chamisselle. Ouais. C'est une sorte de chamisselle. Donc, c'est l'intro pour l'instant, mais vous n'avez pas forcément trouvé tout de suite ce que c'est. Ah, attends. Appel shooter. Oh, c'est pas Pearl Jam, hein. C'est lourd, bah, il est bien joué, on en est où ? Moi, je sais pas. Avec le refrain, vous trouverez facilement. Ouais. Ah, ouais, putain. C'est pas un truc espagnol, ça, non ? Putain, ça tronque tout, hein. Je vous rappelle, le nom d'artiste ne me rien dessus, hein, bah, j'aurais pas. Ah, je l'ai pas, moi. C'est un truc espagnol. C'est pas Ricky Martin ou. C'est Ricky Martin. Ah, c'est ça, c'est pas Mundo Stress, c'est Camisa Negra. Non. Ah non, c'est Juanes. C'est Juanes. C'est Eco Juanes. Donc c'est. Merde, c'est le deuxième titre de Ricky Martin. Ah oui. La vie folle. Putain, je l'écoutais déjà pas beaucoup, donc je risquais pas de m'en souvenir, tu vois, mais ça m'avait pas manqué. Donc c'est Livin' la Vida Loca de Ricky Martin. C'était Livin' de la Coupe du Monde, non ? Au Nagauta Shamisen, donc c'est un petit shamisen. Un luth avec trois cordes pincées qui se joue avec un plectre donc enfin, qui s'appelle le basho ou le bachi. Ouais, en fait c'est une espèce de pour rythme, la glace. Le rythme de base est respecté ? Oui. Putain, il me semblait que c'était plus rapide que ça. Ouais, parce que t'as la flûte qui fait la voix. Ouais. Ouais, ça fait un contre-temps. Mais sinon c'est ça, non ? C'est ça, j'ai l'impression que ouais, le plectre c'est une sorte de truc pour. Une espèce d'éventail ou de truc pour faire réfléchir, t'as l'impression. Ouais, ouais, non, c'est. Ah, mais c'est pas le même pour l'autre c'est pas parce que... Bah, j'ai l'impression que c'est toujours celui pour gratter les givres. Oui, si, c'est ça. Mais celui-là il est beaucoup plus large. Ah, oui. Et là, le pire, c'est que tu fermes les yeux, tu me fais écouter ça. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans la cordillère des Andes. Oui, tu peux te dire à côté. T'es au Chili, mais tu es au métro. T'es en face d'un mec avec un bonnet. Ouais, puis qui te sert un café, tu sais. Les hamsters. En boîte de yak. Ouais. Ninja. Morceau suivant. Michael Jackson. Beat It. Non, Beat It. Beat It de Michael Jackson. Ah oui, merde, j'ai. Ouais, mais là, non, on n'est pas dans le rythme là. C'est l'intro. Non, c'est l'intro. Mais t'as le début, il fait. Il faut attendre un petit peu, c'est vraiment l'intro du truc. Quand même. l'île. En tout cas, ça fait flipper, quoi. Non, oh, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Yop, yop, yop, yep, yep. Donc là, ce qui est mis en avant, c'est la guitare électrique, c'est ça. Ouais. Non, c'est l'Otsuzumi. Ouais, okay. Là, c'est, ouais, oui. C'est plus... Là, on est dedans. Là, on est parti. Oui. Là, c'est vraiment bien, ça, elle est vraiment bien. Donc l'instrument mis en avant, c'est l'Otsuzumi, qui est un tambour japonais constitué de cordes en bois en forme de sablier, avec des cordes qui peuvent être pressées ou libérées en augmentant ou diminuant la tension de chacune des têtes. Il y a Rayman sur le chat qui dit « Je suis sceptique comme une fosse ». Parce que toujours les tambours et les peaux de chaque côté sont tendus par une corde, donc en pressant ouais. Ou en lâchant un petit peu la corde, tu peux modifier un petit peu la tonalité. Ouais. La tonalité. C'est la particularité de ce tambour, c'est qu'il doit être exposé à l'humidité en fait pour avoir un son correct. Ah, faut que la peau soit humide. Voilà, la peau doit être humide. Le musicien, il joue avec un espèce de morceau de cuir qui lui recouvre la paume et de la main Cobal. Pour taper. Ah. Et c'est également un instrument utilisé dans le théâtre No. Oui. Adieu Cobalitos. Sacré Michel Homme Jacques. Ça va mon Cobal et toi? Oh putain. Message à la boîte. Ouais. Ça c'est un Police. Chanicène. C'est Police ou Sting? C'est Police? Non, c'est Police. Le Police. Putain, c'est trop bon. Non, mais dès qu'on reconnaît que c'est Police, c'est nul. Et ce n'est pas un Chanicène. Ah merde. C'est un Opinel. C'est un Gotham. C'est le gros chemisen, non? Non. Alors le Gotan, c'est la principale différence qu'il y a entre... enfin, le chemisen, en fait, c'est... c'est un espèce de carré en bois ouais. Plein, en fait, ouais. Si tu veux. Il est composé d'une cavité creusée en bois couverte d'un certain type de membrane, tandis que... Est-ce qu'il a dilaté la membrane? Pour le Sanshin, il est composé comme ça, alors que le Gotan est en bois massif. Voilà. Ah, d'accord. C'est un instrument comme guitare. Quoi. C'est un instrument très local qui est vraiment originaire de la région de Kyushu et donc, qui doit qui est aussi appelé le Hako Shamisen. Ah, c'est pas mal. Et donc Hako, ça veut dire boîte. Donc, voilà, c'est formé à partir d'une boîte en fait. Une grosse boîte. Next. Who's next? Putain, j'ai quand même vaguement l'impression d'être dans Breath of the Wild, quoi, des fois. Last night, I break your Mara. Non. Non, celui-là, il devrait peut-être être... Attends. Pour l'instant, le rythme est très lent par rapport à la ouais. Chanson d'origine, ça va arriver. Ah, c'est pas... C'est pas Taylor Swift? Ah ouais! Je sais plus comment elle s'appelle cette chanson. Shake it off. Shake it off. C'est ouais. Un peu plus lent que le rythme. Ouais, là ils ont ralenti l'eau. C'est ça qu'on est quand même. Ouais, bah. Eh ouais, connais pas. Eh ouais! Shake it off. Shake it off. De Taylor Swift. Quand même, bravo. Repris au Jyuta Shamisen. Donc c'est un Shamisen originaire de la région de Tokyo qui se joue avec un plectre très très large. C'est vraiment ouais. Plus large de tous les plectres utilisés pour faire du shamisen. Tu veux du pain ou... Non. Tu veux du pain? Je propose mon truc. Ah. Tu proposes ton truc? Mon gros bout de pâté, quoi. Ah, c'est Police. Ouais. Englishman in... Non, c'est Sting. Englishman Sting. In New York. Englishman in New York. Sting. C'est dans celui-là où il y a le bruit des fugaces? Le tout mou qu'on a à la fin de la playlist? Je crois, ouais. Il me semble, ouais, c'est ça. Oui, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'assoit sur un piano et qui rigole? Non, ça, c'est les Beatles. Donc, l'Englishman in New York de Sting, repris au Maya Daiko. Je crois que c'est. Un tambour de type taiko utilisé dans les festivals traditionnels, donc c'est un large tambour en fait. C'est bon, ah, c'est celui où tu. Au moins j'en ai trouvé un, c'est bon. Alors non, c'est pas un si gros, il est un petit peu plus petit. Donc c'est un tambour. La particularité, c'est que c'est la peau, en fait, elle est clouée sur le support. Du coup, il n'y a aucun moyen de la retendre ou quoi que ce soit. Naturel qui voilà. Changer la tonalité. On va en profiter là, tant qu'on a encore un petit peu de musique, pour dire que le whisky que tu nous as fait goûter, mon petit Gandalf, il est très bon. Ah ouais ? Oui, un petit Black Mountain là, le sauvagement occitan. Un assemblage de différents mâles. Oh, il est pas mal là, il est très bon. Assemblé et affiné en Occitanie dans les plus de chaînes de France. N'est-ce pas ? Non, c'est très bien. Vive le protectionnisme ouais. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs à table ? On a aussi une petite 48, on va en profiter. Oui, ouais. Hein, de la brasserie de Lozère, la 48. C'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a une petite bouteille de sirop gingembre citron. Oui. Non, c'est pas du sirop, c'est du bio, naturel. C'est fort. C'est très chargé en citron. Ouais, en gingembre. Petite dose, à tel point que ça tue le citron et on a l'impression qu'il y a du poivre et du piment dès qu'on a la mise en bouche. On sent vraiment que le gingembre sur. Ça va faire plaisir à Yannick, hein, comme quoi qu'au clopipo on réussit pas forcément tout ce qu'on fait. Celui-là fait pas l'unanimité et c'est la fille de Yannick donc qui a réalisé ce petit produit. Non, moi j'aime bien. Il y a pas un goût de gingembre, mais j'aime bien. C'est très marqué quand même. Faut aimer le gingembre. C'est très marqué. Et on a toujours notre reliquat de prune. C'est celle que Benjamin nous a amené, c'est ça. Ouais. La prune du sujet. Et on peut passer au suivant. Ah oui, il est. Ouais. Il est fort. La Bonita. L'île qu'elle est bonne. Non, Like a Prayer. Ouais. Like a Prayer, de Madonna. Mmh. De Maradona. Donc là, il y a un son très très électro, mais bon, on entend quand même principalement le koto. Donc le koto, vraiment. Oui, c'est basique. Donc le koto, c'est un instrument chinois à la base qui a été introduit au Japon entre le 8e et le 9e siècle. C'est un instrument à cordes pincées qui fait environ 1m80 de long. Donc cette fameuse harpe horizontale de 1m80. Ouais. Il y a des petits chevalets en fait sous les cordes qui peuvent être déplacés. Mmh. En fait, ils sont pas fixes. Ils peuvent être déplacés pour changer la hauteur du son en fait. Pour la guitare. Et on peut également frotter ou gratter les cordes pour avoir d'autres sons, de nouveaux sons. C'est le même principe qu'avait ce qu'on appelle le foil rose sur la guitare, en fait, tu peux faire bouger le chevalet de droite à gauche. Ah oui, c'est ça que tu fais, ça fait le bruit fait. C'est un peu pareil, c'est bouger la tonalité. Antisocial. Ah, quoique. Oh putain. My life. Donc ça, oh putain. Ça c'est un truc à l'envers. C'est pas un chamisen, non. On est sur un koto, on est sur un Niju Gogen koto, donc un koto à 20. C'est Eric Clapton. Ouais, Eric Clapton, c'est Leila. Leila. Oh là là. C'est ça. Donc il y a trop l'habitude de la version unplugged. Leila. Quand même un peu d'adaptation, non ? Parce que c'est pas tout à fait. Mais souvent on a plus l'habitude de la version unplugged. Tu vois l'harmonie que sur la montée, c'est pas franchement. Donc, mais c'est pas mal, c'est intéressant. Moi ce que j'aime bien c'est. Alors, il y a un truc que j'aime bien, c'est que ça amène une sonorité différente, ça a l'air un peu plus genre joué, un peu plus gay. Mmh. Mais ça aplatit tous les sons et j'ai l'impression qu'on perd quand même en. Bon après on connaît les versions originales. On connaît les versions originales et puis la plupart c'est quand même des musiques très rock ou un truc, voilà, donc forcément. Oui, l'effort est bien, hein, c'est sympa quand même. Donc le koto, le Niju Gogen koto, le koto à 25 cordes. Donc là on est sur un instrument. Moderne en fait, c'est un instrument vraiment du 20e siècle qui a été créé pour les besoins de la musique en fait. Oui, il y a pas mal de voilà, trucs plus pour l'industrie musicale. Les guitares à 7 ou autre chose. À 8 cordes par exemple. T'as des basses à 6 cordes aussi. Mm-hmm. Ouais. C'est ça ? Mm-hmm. Ah, mais je sais plus le nom du morceau. Les Beatles. Les instruments très aigus. Très naziard. C'est spécial, hein. Donc c'est un biwa. Donc, le biwa, c'est un luth à manche court qui est dérivé du pipash chinois. Mais le pipash chinois est lui-même dérivé du barbat persian. Oui, donc, c'est ça. Ouais, c'est un truc. Qui se joue avec un plectre en forme d'éventail. Faudra envoyer ça à Walter. À mon avis, il trouvera bien un truc à faire avec ça, lui. C'est du flûte. Take on me, ça c'est ça. Ça c'était le petit troll, c'est effectivement Take on me à la shitty flûte. Non, je suis sûr c'est Mathilde qui joue la flûte. On l'a trouvé tout de suite en fait. Donc la shitty flûte qui est un instrument qui date de 2009. Qu'on doit au youtubeur Matt Mulholland avec sa première musique qu'il avait uploadée à l'époque où il faisait une reprise à la shitty flûte de My Heart Will Go On. Ouais. Bien sûr. Oh la vache. Attends, c'est le meilleur moment là. Non, on dirait moi qui me veux, c'est ça. Oh la vache. Ah, il donne tout, hein. Ah, ils donnent tu laisses à fond en plus. Allez, hein. Allez, ils ont tout mis là. Allez, je... on repasse sur quelque chose de. Fini le titre. Mais j'ai vraiment l'impression d'être dans le village Cocorico quoi. Dans Breath of the Wild quoi. Ouais. Il a du souffle quand même. C'est, ouais, c'est une joueuse de Kagurabue, donc une flûte en bambou. Ça peut être n'importe quoi. Ouais, c'était l'intro, là, vous allez commencer à... Sur ce morceau, c'est flagrant à quel point ils sont tous avec des grands sourires quand ils jouent. Il y a des armes sans gants. Ça fait très feel good. Ils ont l'air de vraiment s'éclater quand ils ont l'air de le truc, quoi. C'est vrai qu'il y a des airs très... On dirait un petit air de samba là. Ouais, ouais, il y a une espèce de xylophone mais monumental en bambou. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme instrument. Ah, Stevie Wonder. Ah ouais. Ouais. Isn't she lovely? Ouais. Isn't she lovely? Stéphane Merveille. Donc effectivement, Isn't she lovely de Stevie Wonder. Donc repris au Kagurabue, donc la petite flûte que vous entendez, qui est une flûte en bambou utilisée lors des cérémonies dans les temples. Très, c'est un instrument qui date du 8e siècle. Qui vient de nulle part, qui a toujours été là. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Donc, et on entend un Niju Gen Koto, donc Niju 20, Gen Cord, un Koto à 20 cordes. Qui est en fait, enfin, il s'appelle Niju, donc Koto à 20 cordes, alors qu'en fait il en a 21. Ah, parce que peut-être il y a une corde pour non, une corde d'appui. Comme l'art. Mais de la même manière que le Koto à 25 cordes, c'est un instrument totalement moderne. C'est peut-être celle que ça dénature le moins. Et ben oui. C'est parce qu'il y a un instrument à cordes, un petit violon et puis voilà. Un tas de Robert va dans le jardin, il plante. Oui. Comment t'appelles-tu, dit l'homme, Alan? Bob Dylan. Next. Yo. C'est une intro. Oh, Michael Jackson. Et donc, avec un Jushi Chi Gen Koto, de nouveau un Koto à 17 cordes, de nouveau le Koto basse qu'on avait sur le tout premier morceau du Blends Test. Non, c'est pas bad ça. Non, c'est les smooth criminal. Ah oui, le criminel un peu... Mais comme ça d'un coup là et puis... Est-ce qu'à un moment ils se mettent pareil comme ça et ils jouent du... la musique mais j'avais pas le titre. Et là c'est pas mal là. C'est celui où il a un blague et il se met... Oui il fait... Ouais c'est ça. Là il faudrait qu'il fasse pareil là. On avait des sandalettes là. Ça pourrait être la musique d'un film de kung fu quoi. Genre Rush Hour 4. Mais là ça rend bien comme ça. Là c'est totalement différent mais ça rend vraiment bien. Plus aigu. Plus clair, ça sent plus... Ouais. C'est bien. Ouais. C'est bien trop bon, ça. Dis de roquette Annie. Est-ce que vous êtes prêts pour le suivant? Allez, next, Tasto. Ah, mais ça c'est Africa. Je savais qu'elle allait y être celle-là. Africa, je l'avais vu un peu plus avant. Donc je vais attirer votre attention sur évidemment le coteau, ouais, qui est mis à l'honneur sur ce morceau, mais je vous ai déjà parlé du coteau, donc ouais, là. Une espèce et notre instrument qu'on entend, c'est un steelpan, donc une espèce de d'instrument caraïbéen où c'est une espèce de truc incurvé. Ah oui, en métal. Comment ça, tu fais là c'est le tambour en carré. Ouais, c'est ça. Une espèce de congas ou je sais pas quoi. Là. C'est ça, ouais, un petit peu. Et ça s'appelle donc un steelpan. Ouais, c'est une poêle en métal. Ouais. Sims legit. Là vous pouvez l'avoir trouvé. C'est quoi ça, c'est oui. Imagine. Ouais. Imagine. De. John Lemon. John Citron. Ah oui. Repris à l'okraudo, donc une flûte verticale du 20e siècle. Okraouda. Bah en fait ça s'appelle okraudo parce que ça a été inventé par monsieur Okura. Par monsieur Yolo, Okra, Yolo, Koshichiro, Okula. Gula. On est vraiment le podcast de la culture. Là, ils ont quand même fait une adaptation à Bossa Nova sur la musique de. Après, ouais, ils adaptent. Un peu dance, hein, moi. Ils essayent de mettre à l'honneur un instrument, mais après, bon, ils accompagnent forcément. Mais l'instrument à l'honneur, je ne l'ai pas encore, c'est une flûte. Ah, Le shakuhachi. C'est quoi du Guns N' Roses encore ça? Non. Ah, je sais plus. Une grosse basse, c'est pas mal. Superstition de Stevie Wonder. C'est vraiment Stevie Wonder. C'est l'auteur principal, j'ai toujours posé la question. Parce que ça a été repris par Paris. C'est pour ça que je me pose la question. Non, mais j'ai jamais retrouvé. Même là, je la reconnais pas. Parce que ça a été repris par Stevie Wonder, tout ça. Allez hop. D'ailleurs, la version Stevie Wonder. Donc, Superstition de Stevie Wonder repris au Shakuhachi, donc une flûte en bois d'origine chinoise. Il y a beaucoup de petites flûtines. Et la prochaine, tu vas voir, c'est encore une flûte, mais un truc ultra, ultra spécial. Ouais. C'est Red Hot, ça. C'est pas ça? Non, ça ressemble au Red Hot, je trouve. Ça me rappelle quelque chose, quand même. C'est pas du Red Hot. Oh, C'est un show. Abba. C'est la musique d'un générique de télé. Si, c'est Abba, ça. Dancing Queen, non truc, Dancing Queen de Abba. Dancing Queen, ça ressemblait trop au début de Red Hot. Cette espèce d'instrument super aigu, c'est un show. Donc le show est un nom, le nom japonais d'une orgue à bouche. Oui, c'est vrai, c'était orgue, c'est très bah oui. C'est une orgue, c'est en fait, chaud, frère. Une espèce d'orgue. C'est chaud, frère. C'est très spécial à vous décrire. En fait, t'as un espèce de truc auquel tu souffles, et après t'as plein de trucs devant toi, en fait. Ouais. Et en fait, tu souffles quand même. Voilà. Ouais, mais j'ai comment ça se joue. La cornemuse au début, ça ressemble très aigu. Moi, je suis un peu déçu, il n'y a toujours pas du Joule. La particularité du show, c'est que en fait, c'est une hanche libre, c'est-à-dire que tu peux jouer soit en soufflant, soit en aspirant. Oui. Ouais. C'est pas mal. Ça permet de jouer en permanence. Ouais, tu peux jouer en permanence, quoi. Voilà. Est-ce que ça fait le même bruit ou alors c'est comme l'harmonica? Non, ça l'harmonica, quand tu souffles ou quand tu aspires, ça fait pas les mêmes choses. Ouais. Là, a priori, ça fait vraiment la même chose. Cool. Ouais, c'est vrai, tu peux faire comme tu veux pour. J'essaierai de vous montrer, si vous voulez, à quoi ça ressemble, parce que c'est ultra spécial. Quand tu vois, parce que c'est ce truc. Ouais. Elle voit pas vraiment, là. Style les lunettes pendant la guerre 14-18 pour voir pendant les tranchées. Oui, c'est ça, c'est tu. C'était comme ça, puis c'était déporté. C'est quoi pour mettre avec un jeu de miroir. Et vous savez ce que c'est qu'un gadget. Vous savez ce que c'est qu'un gentleman? Non. C'est un anglais qui sait jouer de la cornemuse mais qui n'en joue pas. Toi, tu passes au CPA. Ouais, attends, direct. Tu gères quoi? Non, j'ai une perturbation de sang. J'ai peur que ce soit général. Une masturbation. Le dernier morceau de ce blind test. Oh, Rick Astley. Non. Ce n'est pas. J'ai cru que t'allais nous troller à la fin. Non, j'ai mis juste un troll au milieu à la shitty flûte parce que. C'est vrai que la shitty flûte était très drôle. C'est pas. Donc c'est un coteau. C'est pas Chris Isaac. Un coteau du Quercy, un coteau. C'est Rick Astley. C'est pas Chris Isaac. Non. Non. J'aurais mis un peu de Rick Astley. Ah ouais, bah c'est Petit Black. Ah non. Ah ici. Ah bah oui. Arsenal Fire, September. Voilà. September. Ouais. Mais j'ai plus avec la musique quand c'est joué que avant en fait. J'ai pas à reconnaître quand c'est pas joué la partie. Pas le voilà, mais c'est fini pour moi, j'ai baissé un petit peu. Merci mon pièce. Je ne peux qu'apprécier un quiz qui finit par September. Très belle musique. Mais écoutez, ça tombe bien, on est au mois de décembre. Ah oui, c'est vrai. On est au mois de décembre, on approche de la fin d'année. On approche aussi de plus en plus rapidement vers la fin de cette session. Les impôts à la source. De cette session d'enregistrement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on clôture la séance définitivement pour la journée? On est toujours aussi con. Ça, ce sera pas nouveau, mais je pense pas qu'on sera non plus une référence. Je pense qu'il y a beaucoup plus con que nous aussi. Pour ma part, je voulais vous remercier tous d'être venus, de nous avoir permis d'enregistrer ça aussi. Ouais, c'est voilà. Ça. Très content d'avoir revu encore une fois notre Benjir national. Qu'on retrouve où alors? Moi aussi, je suis content. Qu'on retrouve où? Sur internet. Ouais. La diagonale du vide. La diagonale du vide. Sur Twitter. Avec la diagonale du vide. Non, c'est mon Twitter, c'est moi, c'est Benoît Giron. Benjir000. Benjir 000. 000, c'est facile à se rappeler. C'est comme le shit. Ouais. Okay. Et sur Instagram aussi, je fais attention, je poste beaucoup de photos. Ouais. Est-ce que t'as une actu? Est-ce que t'as quelque chose à nous faire partager? Mois de décembre. Faut anticiper, mon garçon. Je pense que je vais aller. J'ai adoré l'épisode que t'as sorti le mois dernier. Ouais, j'ai sais. Le premier ou le deuxième? Les deux. C'est cool. Mais bientôt, c'est pas vrai. Surtout la séquence où t'es tout nu dans la ville et que tu marches avec ton micro. Enfin, non, mais c'est et qu'il y a des bruits de chat. C'est pas moi les bruits de chat. J'ai pas des chatrooms sur mon podcast comme vous. Voilà, on est en décembre. C'est vrai que pour ceux qui réécoutent ça, donc en différé, on va toucher les boules à grande vitesse de Podren. Oui. Donc encore une fois, je vous engage à aller visiter le site podren.fr. Moi je suis inscrit déjà. De découvrir tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'il y a à rencontrer, de tout du programme en général. Venez, de pas hésiter à vous inscrire, de pas hésiter à venir. Voilà, de faire vivre, de nous aider à faire vivre le podcast français. De nous payer. Hein, à notre petite mesure, mais voilà, on y met toute notre énergie. Enfin, je sais pas pourquoi je dis nous, parce que je suis même pas dans la Podren ou quoi que ce soit. Je suis même pas dans leur garde, rien, mais voilà. Mais t'as le droit, hein. Non, mais c'est tellement participatif qu'on a envie de d'embrasser le mouvement et de faire vivre ce podcast, ce moment podcastique. Voilà. On va se quitter là-dessus. C'est bon pour tout le monde. Merci pour votre accueil, les cocos. Voilà, merci aux gens aussi qui ont eu la patience de nous écouter sur le chat et de participer avec nous, d'interagir avec nous. C'est ça. Oui. Sauf David. Quel con. Celui-là, je le supporte pas. Et pour se quitter, on va finir avec la sélection de moi-même. Biffy Clyro, Born on Earth, de l'album Only Revolutions. Voilà, bisous, ciao, bye bye, Adi Chats. Adi Chats. Salut.